bol à son micro. Julien à sa sono. Et moi à mon piano. En ce mois d'avril, on va, c'est subtil, vous parler du mois qui le précède dans la file. Et oui, jusqu'à tard, c'est Francis Rocard et Patrice Cole qui s'y collent. Ils vont nous donner. Et pour ça, faut payer 6 euros la première conso. Les dernières nouvelles de la rouge et belle planète que ce soir on fête. Et l'on saura à la fin de la soirée. And we'll know at the end of the evening is there life on Mars. Ah ouais, comme ça, d'accord, ok, bon. Bon, bah, d'accord, tu nous le promets, on le saura à la fin de la soirée, c'est toi qui en prends la responsabilité, d'accord, il n'y a pas de problème. Et bien, c'est une tradition dans les Mardis de l'Espace, chaque année, on a évidemment une soirée qui est consacrée à la planète Mars. Celle-ci s'intitule sobrement « Dernières nouvelles de la planète Mars », car c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouvelles récemment, alors je vais vous en citer quelques-unes qu'on pourra aborder évidemment ce soir. Il y a par exemple les RSL. Vous savez, on a apparemment observé des coulures, des écoulements d'eau liquide à la surface de la planète. Donc ça va être intéressant d'en parler. On a vu du méthane aussi, là c'est un petit peu plus ancien, mais notamment Curiosity, on a vu il y a un an et demi, et ce méthane pourrait être d'origine biologique. Il y a aussi cette grande bascule, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça c'était il y a tout récemment, il y a quelques semaines, cette grande bascule de Mars. Il y a environ 3 milliards d'années, la planète Mars aurait basculé, aurait tourné de 20 degrés. C'est comme si Paris se trouvait avait basculé et avait tourné, se retrouvait aujourd'hui sur le cercle arctique. Vous voyez la bascule que ça fait. Et puis on a ExoMars 2016 qui vient de partir, cette mission européenne avec un orbiteur et puis un atterrisseur. On a ExoMars 2018, un rover européen. Pour la première fois, l'Europe devrait, on l'espère en tout cas, envoyer un véhicule automatique rouler à la surface de Mars dans 2 ans. Mars 2020, ça c'est la NASA avec aussi un rover qui va sélectionner des échantillons. Et ces échantillons vont pouvoir peut-être repartir vers la Terre pour faire ce qu'on appelle un retour d'échantillons, qu'ils soient étudiés sur Terre. Et puis on aura InSight aussi dans 2 ans, une mission qui va étudier la structure interne de Mars. Bref, on a une foule de sujets possibles, plus tous ceux que je n'ai pas abordés, tous ceux que vous voudrez aborder, parce que ce soir, plus que jamais, je vais vous donner le micro. Vous êtes très nombreux, il y a beaucoup de sujets possibles, et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Patrice Cole et Francis Rocard. Francis Rocard, Patrice Cole, est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes, l'un et l'autre ? Patrice Cole. Bien, mais bonsoir. Donc, je suis Patrice Cole, je suis astrochimiste, je suis directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LISA, pour Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques. Laboratoire d'à peu près 130 personnes qui se situe entre Créteil dans l'Est francilien et Paris 13e. Et j'imagine que je suis là en qualité de responsable scientifique de la contribution française à l'instrument SAM qui est actuellement à la surface de Mars en train de travailler dans le ventre du rover Curiosity. Voilà, donc vous, SAM, c'est une sorte de laboratoire qui est à l'intérieur de ce rover Curiosity et qui est là bah, justement pour rechercher de la matière organique. La matière organique, ça pourrait être de la matière d'origine biologique. Hein. Ça pourrait être un fossile, effectivement, de matière d'origine biologique, comme effectivement une matière qui a été produite abiotiquement. Abiotiquement, ça veut dire sans vie, hein, de façon purement chimique ou géologique, si je puis dire. Francis Rocard. Oui, puis ce qu'a pas dit Patrice, c'est que SAM, c'est probablement l'une des expériences les plus complexes qu'on ait jamais posées sur Mars. C'est une vraie usine à gaz, je crois qu'il y a 85 vannes, des tuyauteries partout, enfin, c'est très, très compliqué. Ça fait plusieurs dizaines de kilos, je crois, aussi. 35, comme... je 35 crois, kilos. À peu près. Presque la moitié de la charge utile de MSL, hein, ouais. C'est SAM. C'est d'ailleurs, il ne sera pas sur Mars 2020, et ça va poser des questions. Moi, je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire au CNES, Centre National d'Études Spatiales, vous savez, c'est pas très loin d'ici. Et avec une particularité, c'est qu'on n'a jamais envoyé de mission vers Mars, nous, le CNES, mais on est présent sur... beaucoup de missions, et on est très très content d'être présent sur MSL, notamment, après une compétition alors, très difficile. Alors, il faut rappeler que MSL et Curiosity, c'est la même chose, hein. C'est le gros rover, le dernier qui soit allé à la surface voilà, de Mars, posé qui roule encore. En août 2012, et suite à une compétition très très sélective, hein, on rigole pas, dans les compétitions charge utile d'une mission de 2,4 milliards de dollars, il y a beaucoup de monde qui veulent être présent. Et donc Patrice est très content, et d'ailleurs ça lui fait beaucoup de travail d'être sur SAM. Surtout qu'au début on était sur le sous-système de colonne de chromatographie, puis on a été qualifié pour opérer SAM. Enfin il, lui, ah ouais. Pas moi. Pour opérer, oui. C'est-à-dire être dirigé SAM, c'est-à-dire l'instrument du rover Curiosity à distance. Opérer SAM, ouais. C'est l'intégralité de SAM, qui est encore une fois extrêmement complexe. Je crois que... On est loin d'avoir utilisé tous les modes de fonctionnement de SAM. Hein. C'est très très loin. Et on est aussi assez fiers d'être à bord d'InSight. On en parlera plus tard. Puisque le premier sismomètre qui va se poser sur Mars et qui va fonctionner, parce que celui de Viking n'a pas bien fonctionné, sera français. Donc on est très fiers, mais on a eu quelques problèmes, on vous expliquera. On va y revenir, bien sûr. InSight est donc cette mission qui doit partir dans 2 ans, mission NASA, avec forte contribution française, CNES, pour faire de la sismographie, effectivement, comme vous le disiez, Francis Rocard. Est-ce qu'on peut parler de l'actualité récente avec ExoMars 2016? Là, il y a quelques semaines, est partie cette mission européenne. Il y a de l'ambition, là, quand même, derrière. Il y a un orbiteur, donc quelque chose qui va aller se satelliser autour de la planète Mars. Et puis, il va y avoir un atterrisseur. Alors, on a déjà envoyé, nous, l'Europe, un atterrisseur il y a quelques années. C'était Beagle 2, mais qui souffrait quand même, j'ai l'impression, de quelques défauts d'architecture. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'ambition, là, avec cette mission qui vient de partir, mission européenne. Alors, bah, puisque vous avez parlé de Beagle 2, on peut en dire un mot. Fly as you test and test as you fly. Ça, c'est une règle d'or du spatial. Beagle, c'est britannique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, fly as you test et test as you fly? Ça veut dire que... voler... C'est bien en anglais. Je ne sais pas comment traduire, mais je crois que vous avez compris. Ça veut dire que si vous ne testez pas, ça ne marchera pas. Oui. Voilà, ça, c'est ça que ça veut dire. Et ça se teste en vol, c'est ça? Non, ça se teste au sol, bien d'accord, sûr. D'accord, oui, mais c'est y a des choses qu'on ne peut pas tester au sol. Oui, mais l'essentiel, vous le testez au sol. Après, il y a des façons de tester. Si vous ne pouvez pas tester toute l'entrée des centres d'atterrissage, vous le testez par morceaux. On a vu qu'il y a eu des problèmes sur Mars Polar Lander. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Beagle? Mal financé, en retard. Donc pas assez d'argent. Un créneau de lancement. Ouais. Et à la fin, ils ont fait un beau joujou, ils n'ont pas eu le temps de le tester. Et donc, il n'a pas marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, il y a peut-être moins d'un an, la caméra IRIS, vous savez, cette superbe caméra de Mars Reconnaissance Orbiter, qui nous donne des images à 30 cm par pixel, a enfin trouvé Beagle. Ah oui. On a trouvé Beagle, et on a vu sur les images que Beagle était sur Mars, avec presque tous ses panneaux solaires ouverts, presque, que le bouclier était à côté, que le parachute était là, etc. Et donc la conclusion, c'est que les Britanniques ont réussi à se poser sur Mars comme les Soviétiques, ouais. Mais n'ont pas fonctionné. Comme les Soviétiques. Comme les Soviétiques. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des panneaux solaires ne s'étant pas ouvert, il n'y avait pas suffisamment d'énergie. Et Beagle n'a jamais pu s'allumer, d'accord. Simplement. Mais il s'est posé, effectivement, sans se cracher voilà. A priori. Maintenant, d'accord. Les Britanniques sont très fiers. D'accord. Enfin, ils peuvent l'être. Alors, ExoMars 2016, belle mission, là, quand même. On prépare l'avenir, on prépare... Oui, j'y étais, en plus. Ouais. Baïkonour, donc, à Baïkonour, grand moment. Pour ceux qui y sont allés, ils savent de quoi je parle. C'est un lieu mythique, mm-hmm. Baïkonour. 62 pas de tir. Waouh. Je ne sais plus, 3000 lancements. 70 par 80 km de dimension. Et un lancement à la russe, c'est-à-dire à l'heure pile, à la seconde près. Ouais. On n'est pas trop loin, donc on voit bien. Malheureusement, il y avait des nuages, donc on a très vite raté... Enfin, le proton est passé derrière les nuages. C'est le lanceur, hein, le proton, c'est la fusée. Voilà. Et alors, si, il y a une anecdote que vous avez peut-être suivie, puisque l'ESA avait mis au point avec des télescopes au sol et des équipes... L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. ...qui est responsable d'ExoMars... dans le cadre de la détection des géocroiseurs. Le problème des géocroiseurs qui nous tombent dessus, c'est que vous voyez un petit point qui se rapproche et il faut faire des calculs. C'est une météorite, enfin c'est un astéroïde, un géocroiseur. Ouais. Eh bien, on fait l'opération avec ExoMars. ExoMars part vers Mars, donc c'est un géocroiseur à l'envers. C'est un objet qui s'en va, dont la trajectoire est connue au départ, donc c'est relativement facile, et le but c'était justement de le suivre et de voir jusqu'à quelle distance on pouvait le suivre. Et il y a eu des belles images qui sont sorties, vous les avez vues probablement, et aux surprises, il y a plein de débris. Il y a plein de débris autour d'ExoMars. Il y a plein de débris autour d'ExoMars. Et en plus, l'ESA s'est trompée, puisque a dit, il y a des débris autour de TGO. TGO, c'est Trace Gas Orbiter, c'est le véhicule porteur. Depuis, l'ESA a corrigé son annonce en disant « Excusez-nous, ce n'est pas TGO qui est sur l'image, c'est le Brise-M. » Le Brise-M, c'est l'étage supérieur du proton qui devait faire 4 allumages pour... les Russes, ils aiment bien insérer en orbite terrestre et ensuite on allume et on agrandit l'orbite jusqu'au dernier allumage et on part. Et en fait, c'était le Brise-M qu'on voyait. Et ce que les Russes n'ont jamais dit, c'est que le Brise-M a explosé. Donc le dernier étage de la fusée. Voilà, le dernier étage de la fusée a explosé. La bonne nouvelle, c'est qu'il a explosé après avoir largué TGO. TGO, c'est ExoMars, hein, l'ensemble de la mission. Je crois que je l'ai dit. Hein. Oui, merci. Mais il faut, faut le rappeler parce que. Non, si tu m'interromps tout le temps, on ne va pas y arriver. Bah, oui, mais... et donc, la bonne nouvelle, c'est que l'ESOC, le centre d'opération de Darmstadt européen, a annoncé que TGO allait très bien. Donc, il n'y a pas eu d'impact lié à cette explosion. Mais les Russes ont été pris les doigts dans la confiture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé alors qu'ils le savaient. Et alors pourquoi il a explosé ? Parce que la règle veut, à la fois pour des raisons de protection planétaire, enfin surtout, que d'une part on passive le moteur pour éviter qu'il explose justement. Alors la manière de le passiver, ça consiste à vider son réservoir intégralement, et pour ça on allume son moteur. Et en plus on va allumer le moteur perpendiculairement à la trajectoire, pour faire en sorte que, comme lui, il est sur la trajectoire vers Mars, pour ne pas qu'il percute Mars, tout simplement pour des raisons de protection planétaire de la planète Mars. Eh bien, ils ont allumé une fois, ça a marché, et la deuxième fois, il a explosé. Donc, la passivation, c'est pas très au point chez les Russes encore. D'accord. Et TGO va très bien. TGO va très bien, voilà. Oui, voilà, tous les tests sont faits, les panneaux solaires sont déployés, les expériences ont été vérifiées. Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. D'accord. Et rendez-vous septembre pour... On a eu chaud ? Ah bah avec l'affaire du Brise-M, on a quand même eu chaud, oui. Oui, oui, parce qu'il aurait pu exploser alors qu'il n'avait pas largué TGO. Et là, c'était l'échec. Ouais. Oui. Alors voilà, on a commencé sur ExoMars, vous avez compris qu'on aurait pu commencer sur d'autres choses. Patrice Coll, on va discuter un petit peu avec vous, il faut nous parler de SAM. Donc en ce moment, SAM, c'est ce laboratoire qui est à bord du rover Curiosity. Curiosity, je crois qu'on peut le voir là, si je ne me trompe pas, dans le petit document que vous avez sur les tables. Ben voilà, il est en deuxième page, en page numéro 2, c'est Curiosity qu'on voit. Et SAM. Avec Sam à droite, et puis on voit aussi le cratère où Curiosity s'est posé. On voit même le cercle jaune, c'est l'endroit, la zone où on attendait que Curiosity se pose effectivement. Donc là, on y est depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, quelque chose comme ça? C'est ça, c'est à l'été 2012 que c'est arrivé. Donc d'ailleurs, début du mois d'août 2012, on a réussi à poser ce vaisseau qui est le plus lourd qui ait jamais été posé sur une surface planétaire, puisqu'il fait de l'ordre d'une tonne. Il a été posé en fait au centre de cette ellipse, hein, et non pas dans cette ellipse. Ouais. Pour vous donner l'info, on a réussi à poser le vaisseau à 150 mètres du point théorique. Donc, wow. En gros, 150 mètres, quand on fait de l'interplanétaire comme ça, c'est quasiment les données de vent locales qu'on ne peut pas anticiper. Donc c'était une grande réussite technique, et surtout on voit la connaissance contemporaine de Mars qu'on a réussi à acquérir, on va dire, ces 15-20 dernières années, puisque à la fin des années 90, quand l'agence américaine a envoyé le premier petit véhicule, on va dire, commandé depuis la Terre, qui était de la taille à peu près d'une maquette télécommandée, donc 30 cm, beaucoup plus léger, en fait, il avait atterri à plusieurs dizaines de kilomètres de son point visé. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la connaissance qu'on a désormais de l'atmosphère, des capacités à insérer des véhicules, etc., qui a permis d'avoir de telles précisions. Plus le pilotage, effectivement, hypersonique du véhicule. Donc ça, c'est pour montrer qu'effectivement, la connaissance contemporaine de Mars est bien meilleure que celle qu'on avait ne serait-ce qu'il y a 15-20 ans, et que maintenant on est capable de prouesses technologiques comme déployer ce rover, donc qui est un véhicule motorisé à la surface de Mars. Il travaille tous les jours, sauf généralement maintenant il commence à ne plus travailler le dimanche depuis quelques mois. Alors on ne sait pas si c'est le rover qu'on économise ou le personnel, ou les équipes au sol. Parce que ça fait 3 ans que vous travaillez d'arrache-pied. Voilà, les équipes au sol qui doivent gérer d'autres impératifs et d'autres stratégies à domicile. Est-ce que Francis, ce que Patrice ne dit pas, c'est que les équipes françaises travaillent à l'heure de la Californie. Donc c'est du 17h, 3h du matin. Donc ça, c'est fatigant, une semaine sur deux. Ça, c'est le double décalage. En fait, il y a une distribution. C'est une mission quand même avec beaucoup de participation mondiale, sauf que le monde s'étend essentiellement, on va dire, de la Californie, où il y a une grosse partie de la masse critique, jusqu'à la Russie. Ce qui fait que globalement, on est un peu en bout de chaîne de distribution et qu'effectivement, on ne choisit pas trop les horaires. Donc l'activité est surtout effectivement entre la fin d'après-midi et le petit matin. Donc ce qu'on voit en bas à droite, c'est justement un schéma de SAM. Donc pour faire simple, c'est à peu près la taille d'un four à micro-ondes. Alors on dit toujours ça, sauf que c'est un four à micro-ondes en modèle américain. Donc c'est bien plus grand qu'un four à micro-ondes européen. et en fait, ça pèse une quarantaine de kilos. Ça permet quand même de se rendre compte de la densité de ce qui est en son sein, puisque évidemment, c'est des matières pas particulièrement lourdes. Ça veut dire que, parce que dans l'espace, enfin, dans l'exploration spatiale, l'espace est très cher, justement, l'espace disponible, en fait, c'est très très compact. Il y a, comme disait Francis, des vannes, des chauffants, des tubes, et globalement, la plus grosse partie de l'intégration, c'est-à-dire au moment où il a fallu assembler le système, c'est en fait de développer des outils pour arriver quasiment à visser la dernière vis, je dirais. Puisque effectivement, on a un broglio, un entrelac complet de sous-systèmes. Alors on voit, on va pas rentrer dans les détails de ce schéma, mais globalement, il y a trois grands composants, trois grosses contributions dans ce véritable laboratoire analytique. C'est un spectromètre de masse américain, un spectromètre laser américain, un de la côte est, un de la côte ouest pour l'équilibre, et un chromatographe en phase gazeuse français que vous voyez, ces petits taurons marrons qui sont au premier plan. Ouais. Voilà. Donc le chromatographe en phase gazeuse, on peut peut-être raconter d'un mot comment ça fonctionne, un SAM. C'est-à-dire que le rover est capable de récupérer des échantillons, par exemple avec une petite pelle, ou en forant, ce genre de choses. Il n'y a pas de pelle, non. Alors en tout cas en forant. Ouais, pour faire très simple, l'idée de SAM est d'établir le bilan, notamment en composés organiques, mais aussi en composés inorganiques, c'est-à-dire différentes molécules, on va dire, aussi bien au niveau de l'atmosphère, la phase gazeuse, que de la phase solide. Globalement, le dispositif est surtout le dispositif analytique est capable de mesurer des gaz. Donc pour l'atmosphère, je dirais que c'est assez simple, si on peut dire ça. Une fois qu'on est sur Mars, on aspire de l'atmosphère et on peut l'analyser avec les instruments qui sont disponibles. Par contre, effectivement, quand le rover, par différents outils qu'il a à sa disposition, je fais ce geste parce que c'est au bout d'un bras, en fait, qu'il a différents outils qui vont globalement d'une sorte d'écope, pour faire simple, hein, une grosse cuillère à soupe, ou d'une sorte de petite foreuse, on va dire quand même de qualité un peu limitée. Avec un seul forêt, on ne peut pas changer le forêt, on peut forer quelques centimètres. Quand on récupère cet échantillon solide, évidemment, pour analyser en phase gazeuse, c'est pas très pratique. Donc il faut convertir cette phase solide en phase gazeuse, et ça, ça se fait par différents traitements. Donc c'est pour ça que Francis parlait, employait le mot d'usine à gaz. C'est en fait produire du gaz, et ça, ça peut se faire aussi bien, pour faire simple, par traitement thermique, c'est-à-dire qu'on va chauffer de manière contrôlée le sol depuis la température ambiante, qui est celle du laboratoire analytique, donc température ambiante comme dans un café parisien. Et on va monter jusqu'à 800, 900 degrés de manière contrôlée afin d'extraire les différents gaz qui composent cette matière. Donc on chauffe progressivement, il y a un petit four. Hein, C'est ça, on fait déposer dans des petites cellules qui sont closes et on augmente la température. Autre... On récupère les gaz et on analyse les gaz. Oui. Le four, on est un peu moins d'un centimètre cube, hein, chaque fois qu'on fait une analyse comme ça. Donc, fait un centimètre. Donc c'est plus petit que le four à micro-ondes. Voilà, donc à partir de ce qu'on écope avec. Il y en a 84. Voilà, à partir de ce qu'on écope avec, on va dire un peu familièrement, une espèce de cuillère à soupe, hein, c'est pas beaucoup plus compliqué en termes de dispositif. À partir de cette poignée de sable, on va la transférer dans les entrées du rover. On l'aura avant tout tamisé. On aura sélectionné certaines phases granulométriques. Et on va arriver à manipuler des demi-centimètres cubes pour les faire pénétrer dans ces cellules. En parallèle, il y a un autre traitement qui peut avoir lieu également, c'est les traitements plutôt chimiques, une alternative à ces traitements thermiques. Donc c'est de faire réagir, comme un peu dans une expérience de chimie qu'on peut voir, même dans des bandes dessinées de très bonne facture, on va mélanger différents réactifs pour transformer les molécules qui sont au sein de l'échantillon dans des molécules qu'on sera capable de détecter avec nos systèmes analytiques. Voilà, en gros, la Alors, on parlera, parce que tout n'a pas été aussi facile que ce qu'on pouvait espérer. Vous avez eu quelques déboires, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir dans la soirée. Est-ce qu'il y a des résultats dont vous êtes particulièrement content avec Sam? Ah bah, voilà autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Sam me rappelle cette campagne télévisuelle où on voyait le jeune qui n'avait pas le droit de boire dans les soirées et qui devait ramener ses copains. Alors je dirais que dans les soirées où à flot coule la vodka, il y a un garçon qui sourit et qui ne boit pas. Il est si sérieux que les gars de la NASA lui ont offert un aller simple vers l'au-delà. Ils en avaient marre de lui, ouais. Merci Xavier. Philippe Coll, alors, est-ce qu'il y a des résultats dont vous êtes particulièrement content, ou est-ce que vous attendez d'atteindre les argiles là, qui sont au centre du cratère? On sait que le rover est en train de rouler vers les argiles là. J'aurais du mal à faire court en fait sur ces questions, parce qu'il y a, j'allais dire ces questions, parce qu'il y a plein de questions en son sein. Ouais. Donc. Pour faire très rapide sur les résultats, oui, forcément, déjà parce que je suis quand même à côté de quelqu'un qui est responsable au CNES, donc qui finance en partie notre contribution à cette exploration. Et après 3 ans, je pense qu'il a bien envie d'entendre, et heureusement qu'il est au courant, qu'il y a des retours scientifiques après 3 ans d'exploration quotidienne, je le rappelle. Donc oui, il y a beaucoup de résultats, aussi bien sur, je dirais, l'atmosphère, ce qui n'était pas un début de premier, en tout cas, de notre instrument, mais... a réussi à caractériser la composition même en gaz majoritaire de l'atmosphère en ayant des mesures in situ qui permettent d'être reproduites et d'avoir beaucoup de précision. Également une... Sur ce point, ouais. Il faut changer tous les livres. C'est sur ça. La composition de l'atmosphère de Mars, puisque ouais. le composé numéro 2, le premier c'est le CO2, le numéro 2 était soi-disant l'azote, en fait c'est l'argon. L'argon est passé devant l'azote grâce à SAM. 2%. Alors ça peut paraître anecdotique, c'est évidemment anecdotique. Globalement, ils étaient à peu près au même niveau, sauf que quand on commence à faire le ratio entre les deux, c'est quasiment d'un facteur 2 qui a changé le ratio. Ah oui. Et ce ratio, c'est le type de résultat qui est utilisé pour faire les traitements des météorites martiennes qu'on récupère sur Terre et pour essayer d'étudier Mars vis-à-vis des météorites qu'on récupère sur Terre. Donc voilà comment une simple petite mesure peut en fait effectivement faire réimprimer des livres et également changer certains traitements scientifiques qui sont utilisés depuis de nombreuses années. Donc en termes de mesures atmosphériques, il y a évidemment la quête du méthane, vous en aviez parlé en introduction. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, ouais. On y reviendra, mais en tout cas, on a observé effectivement le méthane avec SAM. Il y a aussi eu des résultats. SAM a fortement contribué à caractériser l'habitabilité, qui était là, par contre, le but premier de la mission, d'une zone fin 2013. Donc globalement, SAM a contribué à montrer que cette zone peut être qualifiée d'habitable, c'est-à-dire que, par le passé, cette zone a vu l'eau liquide de manière non sporadique, une eau qui était, on va dire, ni trop acide, ni trop alcaline, ni trop saline. On peut traduire par une eau qu'on pouvait boire. Il y avait des éléments chimiques présents qui étaient les éléments qui sont nécessaires à supporter la vie. Comme il y avait de l'eau, c'était quand ça ? C'était il y a plus de 3 milliards d'années, on va dire. De 3 milliards d'années. On a également travaillé justement avec SAM sur la datation des surfaces. Donc ça a été des résultats importants, puisque jusqu'à présent sur Mars, on savait très bien, on va dire quel terrain était plus ancien que d'autres. Par contre, la chronologie absolue, c'est-à-dire dire tel terrain est de 3 milliards d'années ou de 4 milliards d'années, tant qu'on n'était pas sur place, on avait du mal à le faire par manque de référence. Là, on a pu, par des datations isotopiques, préciser l'âge précis de certains sols. Et on a enfin, donc, dans ce contexte d'habitabilité, on a pu observer, avec une bonne confiance, ce qu'on pensait être des composés organiques. Donc des composés qui ont justement les caractéristiques, les composés dont on essaye d'établir le bilan afin de voir quelle est leur origine. C'est ça la vraie question. L'important n'est pas de trouver des composés organiques, mais si on en trouve, savoir quelle est leur origine. Et ça, c'est une enquête au long cours que Curiosity est en charge de mener sur SAM. Comme vous le disiez, on arrive actuellement... Donc l'origine, c'est-à-dire encore une fois, est-ce que c'est biologique, origine, ou est-ce que c'est une origine chimique ? Oui, enfin, origine, on va dire, pour employer des mots exogènes, endogènes, déjà, c'est des choses importantes, savoir si ces composés organiques sont été produits sur Mars ou viennent de l'extérieur, puisque expliquer qu'on trouve des composés organiques sur Mars, au départ, on n'a pas besoin de ce que j'appelle d'hypothèses exotiques. Tous les jours, comme sur Terre, il y a des composés organiques qui tombent à la surface de Mars. Ils sont amenés, par exemple, par les micrométéorites. Donc après, à partir de là, l'environnement de Mars, avec la connaissance qu'on en a, qu'est-ce que devient cette matière organique apportée par les micrométéorites ? Est-ce qu'elle s'accumule dans certains sites privilégiés ? Au contraire, est-ce qu'elle est détruite, on va dire, plus rapidement ? Qu'est-ce qu'elle arrive ? Ben forcément, trouver des points de calage et voir si, dans certaines zones, on trouve ou non des composés organiques, ça va nous aider également à contraindre, en fait, ces questionnements. Donc je viens sur le dernier point que vous aviez évoqué. Vous m'avez demandé si j'étais content d'arriver, en gros, dans une zone où il y aurait des argiles. Donc j'explique rapidement que cette mission avait aussi la particularité d'être une mission qu'on appelle une mission... En tout cas, le site d'atterrissage était une to-go mission, c'est-à-dire qu'on n'atterrissait pas à l'endroit où on souhaitait mener l'étude. Tout simplement parce qu'au centre de ce cratère, vous voyez une petite masse sombre. En fait, c'est un mont et on ne se rend pas compte avec l'échelle du cratère qui est de plus d'une centaine de kilomètres de diamètre. Le mont en son centre est plus grand que le Mont Blanc. Il s'élève à 5 kilomètres par rapport au plancher du cratère. Et on imagine que c'est une accumulation de sédiments qui s'est faite, on va dire, dans les temps ancestraux de l'histoire de Mars. Et l'idée, c'est, comme on a la capacité, entre guillemets, à gratter le sol de manière assez faible, hein, je vous ai parlé de quelques centimètres, l'idée, c'est d'aller étudier ce mont de sédiments, dont on imagine que les plus anciens sont à la base et les plus récents au sommet, pour faire, entre guillemets, une stratigraphie, passez-moi l'expression, un peu du pauvre, et sans trop gratter, accéder à des sédiments plus ou moins anciens. Les sédiments, c'est-à-dire des dépôts. Voilà, des dépôts qui auraient été faits par des transports de matériaux, notamment dans des milieux aqueux. Donc là, effectivement, je vous ai dit, cette mission était une to-go mission. L'objectif, c'est d'atteindre le Mont Sharp. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Qui est donc au centre, oui. Réellement, actuellement, au bout de 3 ans de parcours, pas un parcours direct, mais un parcours d'une vingtaine de kilomètres qui a été... qui a vu de nombreux arrêts pour des raisons notamment scientifiques, étudier certains rochers, étudier certaines structures géologiques, etc. Aussi déployer les instruments, mieux les connaître, régler des problèmes instrumentaux s'il y en avait. Et donc, effectivement, nous, on arrive dans ce qu'on dirait cette zone qui est le Graal pour trouver de la matière organique. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'il y a de la matière organique, mais on a observé des sédiments anciens, notamment des argiles, des sulfates, depuis l'orbite. Donc, à vérifier qu'ils sont bien présents. Or, par exemple, ces argiles sur Terre sont, on va dire, le réceptacle idéal pour préserver de la matière organique sur des longues échelles de temps. Je parle là d'échelles de temps géologiques. Tout simplement parce que, sans rentrer trop dans les détails, ces argiles ont des structures en feuillet qui permettent, entre guillemets, de, si elles sont pénétrées par de la matière organique, bah de les préserver plus facilement, les protégeant des agressions extérieures, globalement sur Mars, les radiations et l'oxydation. Donc un bon endroit pour préserver de la matière organique qui serait peut-être d'origine biologique et qui aurait été éventuellement produite il y a en tout cas plus de 3 milliards et demi. Je préciserai d'années. Avant le bon endroit, je dirais le meilleur endroit. Le meilleur endroit. En fait, c'est ça. C'est le meilleur endroit. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit qui va l'avoir préservé. Mais en tout cas, c'est là où on imagine maximiser nos chances avec un autre endroit, mais qui n'est pas accessible par cette mission. Un autre endroit qui n'est pas accessible par cette mission, qui est évidemment la profondeur. C'est-à-dire. Si on pouvait creuser. S'éloigner évidemment des sources de radiation et des sources d'oxydation, qui sont très actives à la surface. Il y a beaucoup d'oxydants dans cette atmosphère et dans cet environnement. C'est aussi une autre option. Donc il faudrait pouvoir creuser. Ça devrait être possible normalement avec le rover d'ExoMars 2018. Voilà. Donc rover européen. Juste un dernier mot. On y arrive quand, là, à vos argiles ? On va y arriver très vite. Attendez, il y a Francis Rocard qui fait le geste du violon. Là. Vous êtes un peu impatient, Francis Rocard, non ? Ça fait longtemps que vous attendez. Disons que le mois dernier, on a annoncé très officiellement dans la revue annuelle qu'on a avec notre agence spatiale qu'on arrivait sous quelques mois, on opérait dans cette région. Alors Francis Rocard, vous n'êtes pas trop impatient là ? Oui, non, le problème, c'est que c'est une question que je pose fréquemment depuis 3 ans et que à chaque fois, on m'annonce des dates qui ne cessent de reculer. Donc, aujourd'hui, il y a une mission étendue qui est en cours de décision par la NASA, qui est de septembre 2016 et 2 ans de plus. Et en gros, l'objectif, c'est d'achever la mission à l'automne 2018. Et achever la mission, ça veut dire passer sur ce qu'ils appellent une ride d'hématite. Bon, c'est un oxyde particulier sur Mars, qui n'est déjà pas inintéressant. Et juste derrière sont les argiles. Alors en plus, c'est une ride. Alors qui dit une ride, c'est inverted channel en anglais. Je ne sais pas si tu as des infos sur cette ride, mais les chelons inversés sur Mars, c'est quelque chose d'assez courant. Donc c'est du relief, c'est ça que ça veut dire ? Voilà. Ouais. C'est-à-dire que vous avez sur Mars, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Vous avez un fleuve qui se crée par l'eau, comme sur Terre. Mais ce fleuve se charge énormément en sédiments. Et ensuite, c'est plus que des sédiments, il se comble totalement. Et ces sédiments indurent, sémentent, deviennent du ciment. Et devient plus dur que le matériau environnant. Ensuite, le vent érode pendant 3 ou 4 milliards d'années. Vous savez qu'un milliard d'années, si vous érodez un micron, ça vous fait un kilomètre. Donc l'érosion, ça peut y aller. Et si vous arrivez à éroder ce qui est autour, bah, le fleuve passe en relief. C'est ce qu'on appelle un inverted channel, un chenal inversé. C'est très courant sur Mars, c'est rarissime sur Terre. Ça existe un peu, mais il faut des conditions justement particulières. Et il y a cette ride d'hématite qui ressemble un peu, alors je ne sais pas si c'en est un, hein, mais ça ressemble un peu à un chenal inversé. Il va falloir monter dessus, redescendre derrière. Je crois que la montée, c'est peut-être une centaine de mètres, quelque chose comme ça. Donc il y a une bonne grimpette, il va falloir faire des S parce que dès que la pente est trop forte... Ça va nous ralentir, ça encore. Et juste derrière, il y a les argiles, et qui est le Graal, donc, encore une fois... découverte par des Français, là je fais un peu la pub hein, quand même parce qu'il faut la faire. C'est Bibring. C'est Bibring et, ouais. Et son instrument Omega qu'il a découvert. Et derrière, alors là la stratigraphie dont parlait Patrice, c'est que les argiles sont plus anciens que les sulfates en termes de chronologie d'événements. Les argiles c'est 3, 8, 4 milliards d'années. Mars était chaude et humide, la vie devait barboter à ce moment-là. Et ensuite il y a eu perte du champ magnétique. Perte de l'atmosphère et acidification de Mars. Et là, on a fait des sulfates. Période intermédiaire qui a duré 500 millions d'années. Et ensuite, à peu près depuis 3 milliards d'années, c'est qu'un désert glacé. Donc on va faire la stratification, on va aller voir les argiles, on va atteindre les sulfates. Et donc on va monter et on va s'étendre sur 500-700 millions d'années d'âge, en passant de l'un à l'autre. Après, la mission va se terminer. Bah, bon. Bon, beau programme. Beau programme. Alors, vous avez compris qu'il y a énormément de choses à voir, à dire, de questions à poser. Moi, je viens jusqu'à vous, je vous passe le micro et vous discutez directement avec Francis Rocard et Patrice Coll. Je viens jusqu'au fond de la salle. Hein. C'est pas parce que je suis loin que je peux pas me déplacer jusqu'à vous. Et puis là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Question sur Twitter, où on est pas mal suivi là ce soir. À ce stade, qu'est-ce qui vous a le plus étonné concernant Mars ? Ouvert. Question ouverte. Sur Curiosity, j'imagine. Avec Curiosity, on peut supposer. Ou dans les dernières nouvelles. Joker. Moi, je dirais que la si on doit vraiment se baser sur la surprise, je pense que c'est les bouffées sporadiques de méthane qu'on a observé il y a deux ans, tout simplement parce qu'on a commencé à faire une recherche, un suivi du méthane régulier. Donc, comme c'était, je dirais, sans surprise, on a commencé à trouver qu'il y avait peu ou pas de méthane. Donc, il y avait plusieurs hypothèses à ce niveau-là. Et puis, tout d'un coup, au bout d'un an et demi... Oui, alors, ce qui s'est passé, j'ai commencé à voir des articles au bout d'un an et demi disant, grosso modo, Curiosity ne trouve pas de méthane. Enfin, on trouve un tout petit peu des traces, quoi. C'était ridicule. Voilà, parce qu'en fait, bon, même sur l'histoire, en fait, on peut rapidement faire la chronologie. Ouais. Au départ, on a eu des mesures de méthane. On a commencé à observer un peu de méthane. Et en fait, ce méthane, il s'est avéré que c'était du méthane terrestre qui avait été emmené lors du décollage et qui avait été séquestré dans une partie active de l'instrument. Donc évidemment, c'est l'avantage des explorations au long cours. Pour faire simple, à force de répéter les expériences, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un problème. Donc on comprend, on corrige, on entre guillemets nettoie l'instrument et on se remet à faire des études, des analyses dont en lesquelles on est beaucoup plus confiante et on s'aperçoit qu'il y a plein de méthane, ce qui est à nouveau un phénomène non exotique. On imagine juste qu'il n'y a pas de source de méthane, il n'y a pas de raison que le méthane perdure dans cette atmosphère. Et tout d'un coup, au bout d'un an et demi, alors que l'histoire entre guillemets est terminée et qu'on fait une surveillance régulière, là on a un pic assez important de méthane avec 7 mesures sur 2 mois et ce méthane redescend. Donc là, c'était, je crois, il y avait 10 fois plus de méthane que le bruit de fond. Voilà, oui, alors on peut le parler en relatif. Oui, il y avait 10 fois plus, mais il n'y avait pas non plus énormément de méthane. Non. Mais il y avait quelque chose qui était très significatif, qui est, on est en dehors de l'incertitude expérimentale, on est en dehors des processus analytiques. Et la preuve que l'instrument fonctionne bien, c'est qu'au bout de 2 mois, hop, on est revenu sur le bruit de fond, c'est-à-dire, pour faire simple, pas ou peu de méthane. Donc ces derniers 18 mois, les études ont porté surtout à voir si c'était possible d'avoir une source locale au nord du cratère qui aurait émis du méthane et que ce méthane ait disparu aussi vite, aussi rapidement. Et effectivement, les modèles de dispersion, les vents, etc. sont complètement en cohérence avec ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu une production à un moment donné de méthane par une source inconnue. Et qui est localisé dans le cratère. Localisé dans le cratère, oui. On est sûr que c'est pas une pollution. On est sûr que c'est pas une pollution du rover. On est sûr que c'est quelque chose de sporadique. Et surtout, vous parliez d'actualité. Dernièrement, il y a donc 2 mois, on est revenu à la même saison, puisque une année martienne dure presque 2 ans terrestres. Et on a reproduit l'expérience et on n'a jamais observé de pic sporadique. Donc c'est pas un événement saisonnier, en tout cas pas au niveau annuel, qui permet d'expliquer ce méthane. Donc, globalement, alors pourquoi ça vous excite ? Pourquoi ça nous excite, là, le méthane ? Alors, pourquoi ça nous excite ? J'ai jamais dit que ça nous excitait, j'ai dit que ça nous avait surpris. J'ai entendu beaucoup de chercheurs que ça excite, moi. Ah, beaucoup de chercheurs. Donc, dans ce cas-là, je peux répondre à la question. Non, plus sérieusement, évidemment, derrière le méthane, il y a, à nouveau, comme sur les molécules organiques ou sur le méthane, l'important, c'est l'origine. L'important, c'est pas de voir du méthane de manière régulière, de manière sporadique ou de pas en voir. C'est, si on en voit, quelle est son origine ? Il y a globalement 3 origines possibles, notamment, on va dire, la biologie, évidemment, donc type des bactéries qui produiraient du méthane. C'est une source, c'est pas la plus probable ou la moins exotique, mais c'est une possibilité. C'est pour ça que souvent, il y a de l'excitation autour du méthane. Ensuite, il y a des phénomènes géologiques classiques, par exemple de l'eau avec certains rochers qui, au fur et à mesure du temps, va être capable de produire du méthane. Et sur Mars, on pense aussi qu'il est possible que le méthane qui est produit, s'il y a du méthane produit en sous-surface, que ce soit par du biotique ou de l'abiotique, il puisse être stocké pendant une période de temps relativement longue dans des structures qu'on appelle des clatrates, en sous-surface, et puisse être relargué, par exemple, de manière sporadique. Donc, est-ce que ce qu'on a observé il y a 2 ans colle avec peut justifier ou peut être en cohérence avec ce type de méthane séquestré et relargué pour une raison X ou Y possible. En tout cas, sauf que des clatrates, on n'en a jamais observé, si je ne me trompe. Et en plus, normalement, les clatrates, quand elles relarguent du méthane, c'est glace. Il faut qu'il y ait eu une modification dans les températures. Et il n'y en a pas forcément eu à ce moment-là, à cet endroit-là. Pas forcément. Mais en même temps, la zone source n'est pas très clairement située. Il y a aussi, si on part sur des phénomènes locaux, il y a aussi le rover qui passe, donc le rover qui peut perturber l'environnement. Mais de toute façon, pour en arriver à l'origine, la mesure du méthane seul ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut combiner le méthane avec des mesures associées. Pour le moment, ces mesures, de toute façon, ne sont pas programmées, mais on essaye de les mettre en place. Un exemple pour répondre à une question éventuelle de la biologie, c'est de mesurer le méthane avec d'autres hydrocarbures. Si le méthane est tout seul, je fais très simple, si le méthane vient tout seul, est émis tout seul, c'est plutôt un phénomène géologique, type biologique, qui va émettre, par exemple... Tout seul, ça veut dire que c'est biologique. S'il y a d'autres choses... Ouais, enfin, ça... En fait, ça dépend. J'aurais pas dû prendre l'exemple de la bactérie, ça dépend du type de bactérie. Mais globalement, non. Plus on va avoir une richesse, une palette d'hydrocarbures, plus ça va être du biologique, plus on va avoir une espèce dissociée. C'est de la chimie abiotique, par exemple, un phénomène de serpentinisation qui va produire du méthane pur, une sorte d'usine géologique à méthane. D'accord. Voilà, oui, parce qu'on est suivi sur Twitter, hein, et vous-même, vous pouvez, si vous voulez, intervenir sur Twitter avec le hashtag CNES Twitter. Je vais vous donner ma sensibilité sur cette affaire, parce que c'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre, tu l'as dit toi-même, et dans l'équipe SAM, quelqu'un m'a dit un jour, moi, j'y crois pas à cette mesure. Donc, je crois pas à cette mesure, je crois pas qu'on a effectivement détecté du méthane. Patrice a quand même dit qu'au début, il y avait de la pollution interne. Ah oui. Donc la question, c'est est-ce que ce n'est pas de la pollution interne ? D'accord. Alors Patrice va nous dire que ce n'est pas de la pollution. Il me l'a dit tout à l'heure. Il vient de dire qu'il en était sûr. Il vient de dire qu'il en était sûr. Je tiens juste à préciser que je crois que la personne qui t'a dit ça, c'était moi il y a 2 ans. Il a changé en 2 ans. Bon, bah, moi je dirais peu importe. Ce qu'a fait Sam, très bien, on peut y croire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les anciennes mesures du méthane qui ont été taillées en pièces par certains scientifiques en disant « aucune de ces mesures ne tient la route ». Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait un peu long, mais les mesures faites par Mars Express, les mesures faites par M. Mouma, les mesures faites par M. Krasnopolski, toutes ces mesures, boum, boum, boum, il y a un type qui les a regardées de près et il a dit « moi, j'y crois à rien de tout ça ». Donc, moi, je pense que le sujet est encore complètement ouvert. TGO, 13 Gars Orbiteurs, lui, donc, ExoMars 2016. Qui est en page est numéro en route, 3. Qui est en route, donc, va arriver en septembre. Malheureusement, on va avoir à peu près une année d'aérofreinage. Ça, c'est la triste nouvelle. Donc, il ne va pas vraiment fonctionner en 2000. Il va fonctionner fin 2017. Ah oui, d'accord. Oui, ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. Il faut qu'il se freine pas mal avant de pouvoir être sur la bonne orbite, c'est ça ? Voilà, l'aérofreinage, c'est un peu long. L'ESA ne l'a jamais fait et a un peu peur. Donc, va y aller très, très progressivement. Donc, prend beaucoup de marge calendaire et annonce fin 2017 pour l'aspect opérationnel. En fait, vous êtes sur une orbite très elliptique et en faisant frotter le périastre, vous avez l'apoastre qui baisse. Ça, c'est la mécanique spatiale qui vous le dit. Et comme ça, vous circularisez l'orbite. À la fin, vous rehaussez le périastre et vous êtes sur une orbite circulaire. C'est ça qui va être fait, mais ça va prendre des mois et des mois et des mois. Mais à bord de TGO, il y a 2 instruments. L'un est belge. Bon, il était franco-belge, mais bon, c'est une histoire triste et les Français sont plus à bord. Il y a eu un clash. Et l'autre est russe. D'ailleurs, maintenant, il est franco-russe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, comme quoi on nous débarque d'un côté, on rentre par la fenêtre. Et les 2 instruments, le belge et le russe, ont la capacité de détecter du méthane. Et comme vous êtes en orbite, vous avez une détection globale, là où SAM est local, parce qu'on est dans le cratère Gale, etc. Et je pense que pour vraiment arriver à confirmer l'existence, point numéro 1, et point numéro 2, qui est encore plus important, arriver à comprendre d'où il vient. Est-ce que c'est du clatrate ? Alors, l'affaire du clatrate, c'est la plus mauvaise nouvelle qu'on puisse avoir, parce que ça veut dire que le méthane a été créé... Un dos de cabillaud, merci. Voilà, j'ai faim. L'éclatrate, ça veut dire que ça a été créé il y a 4 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'en termes d'activité géologique et biologique, zéro. Donc c'est pas la bonne nouvelle. Si c'est l'éclatrate, c'est pas la bonne nouvelle. Enfin, je suis peut-être tu pourras penser différemment. Si c'est géologique aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des points chauds et donc il y a des zones chaudes, il y a peut-être des niches écologiques et à côté les petites bactéries vont aimer s'y retrouver, donc c'est pas mal. Et si c'est directement biologique, bah c'est bingo. Donc il y a trois hypothèses. Les comètes qui impactent Mars a été écartée parce qu'on aurait des preuves. Donc la quatrième hypothèse est déjà écartée. Donc il en reste trois, dont une qui est triste, qui n'est pas intéressante, c'est l'éclatrate. Pas intéressante au sens de la vie. Hein, la vie, hein. Oui, bien sûr. Et les deux autres qui seraient plus intéressantes au sens de la vie. Donc j'espère qu'avec des mesures, tu as parlé de récurrence saisonnière, est-ce qu'il y a un effet saisonnier, est-ce qu'il y a un effet local, est-ce qu'il y a un effet de l'heure locale, est-ce qu'au lever du soleil, il y a des émanations de clatrate. Eh bien, si on arrive à faire ces mesures systématiques, on pourra commencer à parler de l'origine. D'autres interventions ? Oui, je voudrais savoir si on avait l'intention de rechercher à nouveau, comme on avait fait avec Viking en 75, de la vie sur Mars, et éventuellement en essayant de nourrir d'éventuelles bestioles martiennes. Je vais commencer. Justement, ça me permet de faire un lien avec ce que disait Francis. Ce qu'on n'a pas bien précisé, c'est que l'objectif de MSL n'est pas de chercher la vie. Hein. C'est pour ça, quand je parlais que je n'étais pas spécialement excité par le méthane, notamment en termes de traceur d'une activité biologique, c'est tout simplement parce que la mission de ce rover, c'est plutôt de déterminer l'habitabilité, c'est-à-dire de voir si, par le passé ou éventuellement dans le présent, certaines zones de Mars auraient la capacité d'abriter la vie, c'est-à-dire globalement chercher des logements sans se préoccuper de savoir s'ils sont vacants ou occupés. Ça, c'est la vie ancienne. Hein. Voilà, de la vie ancienne, oui. Ça, c'est plutôt, on en reparlera aussi probablement par la suite, c'est plutôt Mars 2020 qui, lui, va s'occuper peut-être de cette question-là. Donc, sur votre question sur Viking, actuellement, les missions qui sont programmées et qui ont pour but de chercher plutôt de l'activité biologique, des traceurs d'activité biologique, oui, c'est Mars 2020. Et éventuellement, peut-être même si ExoMars 2018... Donc on va y venir, c'est aussi quelque chose qui est représenté dans le petit bouclette là. Lui va avoir la capacité d'aller forer à 2 mètres de profondeur, donc dans des zones peut-être préservées. Et si... Pourquoi est-ce que c'est important de forer si on veut trouver des restes de vie vivantes ou fossiles ? C'est pas que c'est important, c'est une des stratégies. Ouais. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, c'est une des stratégies dans les moyens actuels, c'est-à-dire... L'oxydation, donc processus chimique qu'on vit sur Terre, hein, notre environnement est oxydant, globalement, toute molécule organique, nous, ce qui nous compose, on va finir en CO2. C'est assez simple, hein, c'est le CO2 atmosphérique, voilà, on va tous finir en CO2. Sous l'effet de l'oxydation. Voilà, c'est la fin de la chaîne de l'oxydation, c'est on finit en CO2, toute matière organique finit en CO2. Donc c'est ce qui se passe à la surface de Mars, et en plus à la surface de Mars, il y a des radiations, notamment, ne serait-ce que certaines radiations issues du flux solaire qui sont plus irradiantes que sur Terre. Donc ça aussi, ça a une tendance à détruire de nombreuses molécules organiques. Donc, à la surface. Voilà. Donc évidemment, dès qu'on commence à pénétrer dans le sous-sol, on est protégé à la fois des radiations et on est protégé d'une grande partie de l'oxydation parce qu'il y a beaucoup moins de chimie active. Donc on peut être préservé plus facilement. Oui. Les radiations... C'est les galactiques, hein, qui pénètrent à 1 mètre. Les radiations solaires pénètrent beaucoup moins que ça. Mais comme il y a du galactique qui peut s'accumuler pendant 4 milliards d'années, vous avez le premier mètre qui est... Les molécules sont hachées menues. Et donc, si elles sont hachées menues, ben, elles disparaissent et elles se transforment en CO2 et puis elles diffusent. Et puis, voilà, donc on perd le carbone. Sur la question de monsieur... Donc l'idée, c'est, avec Viking, c'est on prendrait un petit peu de matière martienne, on mettrait un petit peu de liquide nutritif, et puis on verrait si ça respire. C'est pas l'idée, c'est ce qui a été fait. C'est la question de monsieur. Est-ce qu'on fera ça ? Laisse-moi le dire. J'ai essayé pour les gens. Viking, c'est ça. En 76, c'est exactement ce qui a été fait. Trois mesures de détection de la vie. L'une, c'était la respiration. L'autre, c'était la photosynthèse. Et la troisième, c'était la nourriture. Les trois ont été négatives. Et la conclusion de Viking, c'est qu'il n'y a pas de vie en surface et Mars est trois fois stérile. Trois fois. Première chose, parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone et les UVB vous grivent les bactéries en surface. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'eau liquide. Pas de vie sans eau liquide. Et la troisième, qui est un résultat de Viking, c'est que le sol est très, très oxydant. C'est ce que disait Patrice. Néanmoins, et là, c'est un résultat de SAM, suite au forage, quand même, dès qu'on fore, on tombe dans un sédiment qui n'est pas oxydé, qui a une couleur bleuâtre et qui n'est plus du tout la couleur oxydée du fer Fe3+. Néanmoins, alors, maintenant, Viking, énorme déception et abandon de Mars pendant 16 ans. 92, Mars Observer, c'est un échec. Donc, on revient en 96, donc 20 ans. Mais la stratégie a complètement changé. La stratégie, c'est que la vie actuelle, on oublie. C'est fini. On ne peut plus vendre ça, la NASA n'y croit plus. Et donc, on recherche la vie ancienne. Donc, on est dans cette stratégie depuis 30 ans. Et on va parler des RSL, mais je ne suis pas sûr que les RSL vont changer la stratégie. Et là, ça se complique parce qu'il y a des radiations. Et aujourd'hui, on a bien fait... Alors, c'est follow the water, follow the carbon, follow the life. Trois étapes. Follow the water, c'est fait. On a une très bonne connaissance maintenant de l'histoire de l'eau sur Mars, globalement, historiquement, depuis 4 milliards d'années, etc., etc. Follow the carbon, c'est en cours. Et je rajouterai à ce qu'a dit Patrice, il n'y en a pas BZF. C'est moi qu'on puisse dire. Pas beaucoup de carbone. Il y en a très peu. De matière organique, donc. Très peu. Ouais. On a parlé du méthane. Ça, c'est dans l'atmosphère. Mais il ne vous a pas parlé du benzène. Mais Sam a trouvé un petit peu de benzène. Vous savez, c'est des aromatiques de 6 carbones. Alors, c'est du chlorobenzène, mais ça, c'est un effet pervers du chauffage. Quand vous chauffez au moment de sortir, il y a du chlore qui vient se fixer sur le benzène. Mais le chlore, vous l'oubliez. Au départ, ça devait être du benzène. Il y en a extrêmement peu. On parle de picomol, 10-12 mol. Donc, c'est extrêmement peu. Donc, on espère que quand on va arriver au strat d'argile, on va en trouver, 1000 fois plus. Et pas que du benzène, mais toute une série de molécules. Pourquoi ? Parce que si on pense que la vie a existé, il faudrait qu'à un moment, la chimie organique se soit produite. Et que cette chimie organique ait laissé des traces, avec des molécules complexes. On vient de simuler, via une fausse comète dans un labo, du sucre. Ah, excellente nouvelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a la vie dans les comètes, mais ça veut dire que les riboses, le sucre, peut se former dans les comètes probablement. Et donc après, comme les comètes ensemencent la Terre, ce qui est fait n'est plus à faire, ce sucre va... qui est la base de la RN. Le R, c'est le ribose, c'est lui. Donc, on aimerait bien trouver un sucre sur Mars, ça serait génial. On n'a rien. Aujourd'hui, on a un tout petit peu de benzène, du méthane avec un point d'interrogation. Mais pour moi, je sais que ça ne fait pas plaisir quand je dis ça, mais aujourd'hui, on manque de matière organique. Donc j'espère qu'on va en trouver sur les strates d'argile. Si les chercheurs ont une vie passionnante, ils ont une libido parfois des plus étonnantes. Vous leur présentez la plus charmante des femmes, ils détournent la tête et font les yeux doux au méthane. Merci Xavier. Alors, une question. J'ai une question aussi. Alors, jusqu'ici, on est resté dans le petit périmètre, là. Vous voyez, on est resté vers Mercure, etc. Mais je voudrais qu'on aille jusqu'à Jupiter, là, jusqu'à Pluton. Alors, j'ai pas de questions, là-bas. Alors, j'ai monsieur, mais là, on est à Mars, là. Mais je voudrais aller loin, moi. Ah, voilà, Michel. Michel a toujours une question. Pardon, excusez-moi, monsieur. Voilà. C'est comme le professeur Rollin. Michel a toujours quelque chose à dire. Une question et demie, ou une question sérieuse et une pas sérieuse. L'affaire du basculement, là, il y a un petit schéma sur un des documents lié à la position de Tarsis. Est-ce qu'il y a une explication c'est un phénomène de déséquilibre dans la rotation de Mars dû à une hétérogénéité, ou est-ce qu'il y a autre chose à comprendre? Et puis la question pas sérieuse, c'est l'atterrisseur Schiaparelli. Quand on connaît le rôle qu'il a eu, c'est bien lui qui a parlé des canaux de Mars, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas un choix un petit peu ironique d'avoir donné ce nom-là? Et qui l'a choisi? Alors, on va tout de suite répondre à la question pas sérieuse. C'est que c'est Thalès Turin qui est en charge d'ExoMars. Donc voilà, vous avez la réponse. Les Italiens ont tout fait pour nommer le lander Schiaparelli. Alors, c'est vrai que Schiaparelli, dans l'histoire, quand même, lui, il a utilisé le mot canal, mais dans son esprit, c'était plutôt les chenaux. C'est ensuite, derrière, que des gens ont repris le terme qui est devenu canaux artificiels. et c'est surtout Percival Lowell qui était un cadaliste complètement, j'allais dire délirant, enfin délirant. Encore une fois, le problème des canaux, c'est que dans la même équipe à l'observatoire de Flagstaff, vous aviez ceux qui étaient cadalistes, parce que ça dure une seconde, hein. Vous avez l'œil au télescope, pendant une seconde vous distinguez les canaux, vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps de dire à votre collègue « regarde », déjà ça a disparu. Donc dans la même équipe, vous aviez des canalistes et des non-canalistes. Voilà, donc chacun avait la conviction d'avoir vu des canaux ou pas. Alors Lowell, lui, il en avait vu 400. Donc il avait une imagination plus débordante que les autres. Et il en a fait son fonds de commerce, hein, il faut bien dire les choses. Mais bon, c'est une illusion d'optique, et c'est Anthony Addy, un autre Italien d'ailleurs, mais qui a travaillé à Meudon, qui a remis les choses dans l'ordre en disant tout ça n'est qu'illusion. C'est quoi la première question ? Et puis c'est la page 8, on peut tous ah oui, le basculement. Y aller en page 8 et voir cette histoire du basculement. Le basculement, c'est une histoire qu'au début je ne comprenais pas, donc j'ai appelé l'auteur... Hein. Et on a une chance, c'est Sylvain Boulet. Ce monsieur travaille au laboratoire Géops à Orsay, qui est un laboratoire que je finance en l'occurrence, mais ce n'est pas eux qui font les instruments spatiaux, mais eux, ils utilisent beaucoup les données, et ils font de l'interprétation, ils font des modèles. Alors, les travaux de Sylvain Boulet partent d'une observation qui est une énigme, que moi d'ailleurs j'ai totalement oubliée. C'est le schéma du milieu. Le schéma du milieu, vous avez une bande bleue un peu au sud de l'équateur, on va dire les tropiques. Et cette bande bleue, j'ai pas mes lunettes. C'est voilà. Ce qui s'appelle réseau de rivière. C'est voilà. Un peu flou, mais c'est le réseau de rivière. C'est ce qui s'appelle réseau de rivière. Alors, l'observation, c'est qu'il y a un réseau de rivière qui se situe au niveau du tropique sud. Alors pourquoi pas au nord ? Bon, ça on pourra en discuter, mais comme vous avez remarqué, Mars n'est pas du tout symétrique, donc au nord, on est dans les basses plaines, et donc il n'y a pas ce réseau de rivières, tout simplement. Et l'énigme qui existait depuis longtemps, c'est que, ça c'est le schéma de droite, c'est que ce réseau de rivières n'est pas parallèle à l'équateur. Ça c'est une observation. C'est le schéma de droite. Cette énigme a posé un problème aux observateurs. Moi-même, je ne savais pas. Je dois vous dire, je n'étais même pas au courant qu'il y avait cette énigme. Mais ceux qui avaient fait un peu les analyses dans le détail disaient c'est quand même pas normal que si c'est un effet lié au climat, on devrait être lié uniquement en latitude. Donc ça devrait être parallèle à l'équateur. Alors, qu'est-ce qu'a fait Sylvain Boulet ? Il s'est dit, vous savez, il y a des planétologues qui disent... pour simplifier, Mars est comme la Lune, sauf qu'il y a Tarsis. C'est-à-dire, Mars, il y a ce qu'on appelle le dôme de Tarsis. Je ne sais pas si on a une image là-dedans où on voit le dôme de Tarsis. Mais si, il y en a. Attendez, est-ce qu'on le voit ? Oui, en fait, on ne le voit pas bien. C'est la page où il y a Phobos et Deimos. En fait, vous avez les trois volcans. La page 6. Les trois volcans du même nom, qui s'appellent les trois volcans de Tarsis. Valles Marineris, et en fait, le dôme de Tarsis, il est situé au sud, ouest de Valles Marineris. Il est gigantesque, il fait 5000 km de diamètre, c'est-à-dire pratiquement le rayon de Mars, c'est ça ? Non, le diamètre de Mars. Le diamètre de Mars, il fait presque un diamètre de Mars. Et en termes de bombe, alors c'est un bombement tectonique. Ça veut dire que par un processus dont on peut discuter, du magma est remonté à cet endroit-là. Énormément de magma est remonté et a créé, donc par épanchement, c'est-à-dire que ce n'est pas des volcans qui sont éruptifs, hein, c'est l'épanchement de lave. Cet épanchement de lave a atteint une épaisseur de 5 km. C'est considérable. Il n'y a pas d'équivalent, il y a d'équivalent nulle part. Sur Terre, il n'y a pas d'équivalent. Sur la Lune, il n'y a pas d'équivalent. Et en fait, si vous calculez la masse de Tarsis, et vous faites tourner Mars avant que Tarsis ne se forme. Et Tarsis s'est formé à peu près vers 3-7 milliards d'années. Et ensuite Tarsis se forme, les calculs de la dynamique de la rotation de Mars fait que Mars bascule. Ça c'est inévitable. Donc c'est la masse qui se crée à cet endroit-là. C'est le déplacement de la masse, ouais, le déplacement de masse ouais. Depuis l'intérieur jusqu'à un lieu de la surface, qui est le lieu de Tarsis, ouais. Qui fait que l'équilibre d'ensemble de Mars est modifié, et donc Mars bascule, tout simplement. Ça, c'est inévitable. Et là où Sylvain Boulet est assez audacieux, c'est qu'il dit, en fait, il s'est produit quelque chose auquel personne n'avait pensé, c'est que c'est le manteau et la croûte de Mars qui a basculé, mais pas le noyau. Parce que c'est le seul moyen, si vous y réfléchissez, moi au début je ne comprenais pas bien, mais c'est le seul moyen d'expliquer que l'équateur est à 20 degrés de la bande des fleuves. Parce que si tout bascule, il n'y a pas de raison qu'on ait cet angle de 20 degrés. Il faut que finalement la croûte bascule, le manteau bascule, mais l'axe de rotation lui-même ne bascule pas. L'image qu'il donne, c'est comme un abricot dont on aurait fait bouger la chair sur le noyau, mais que le noyau ne bouge pas. Alors c'est un petit peu une révolution. Même les gens qui étudient la Terre, et ils sont très nombreux sur Terre, se disent, là, c'est qui lui, comment il s'appelle, d'où il vient? Et il est en train de dire que le noyau a tourné par rapport au manteau, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux vous dire qu'aux États-Unis, on n'en parle pas. Ah ouais? Non. Eh ben, ils ne sont pas contents parce que en France, on en parle beaucoup. Ça vient en contradiction avec la grande théorie actuelle d'un monsieur Collins, je crois, et qui est... oui, voilà, donc ça vient... Collins, c'est quoi? Oui, Collins, c'est la... Bon, enfin, voilà, peu importe. J'ai discuté avec Sylvain Boulet, moi aussi. Oui. Il y avait ce qui était canaliste. Il y avait ce qui était non-canaliste. Et pour ceux qui sont restés canalistes, maintenant il y a les psychanalystes. Ah oui! J'ai retrouvé son nom, c'est Roger Phillips, de Boulder. Alors, sa théorie, elle est en contradiction avec celle-là. En tout cas, les deux ne sont pas compatibles. Et on comprend, du coup, que les Américains ne suivent pas tellement Sylvain Boulet. Alors, je peux vous dire qu'on a une autre polémique avec les Américains en ce moment. C'est sur la 9e planète. Ah oui. Et la polémique fait rage, puisque le JPL a sorti... vous savez, il sort des annonces presque tous les jours. Et Jacques Lascar et Agnès Fienga, en l'occurrence, c'est Jacques Lascar, a écrit au JPL en disant « Je ne suis pas d'accord, vous avez écrit des erreurs, vous allez corriger ça. » Et ce matin, j'ai vu que le JPL avait corrigé l'annonce. Ah, bon. Mais on peut en parler si ça vous intéresse. Mais, ah ben on est, ça nous éloigne de Mars. Mais ce n'est pas Mars. Bon. Alors, d'autres interventions, monsieur. Du coup, on connaît mieux le sol de Mars maintenant avec Curiosity. Et à quel point il est toxique pour, si par exemple vous voulez faire pousser des patates dedans il me semble que la poussière de la Lune était toxique pour la respiration humaine aussi. Il y avait des histoires comme... Est-ce que c'est pareil pour Mars? Oui, mais pour faire très explicite, c'est sûr que notamment pour faire pousser, on va dire, des légumes ou d'autres choses, le sol de Mars, pour le moment, déjà, il est pauvre. C'est ce qu'on voit. Alors, il est énormément de nature basaltique, avec beaucoup de poussière basaltique déposée, c'est-à-dire de la poussière éolienne. Tout ça, c'est pas là-dessus qu'on va faire une base qui va permettre d'être productive. En termes de toxicité, il y a évidemment des composés dont on n'a pas encore parlé, comme les perchlorates, qui sont pas spécifiquement toxiques, mais qui sont par contre, on va dire, oxydants. Donc là, à nouveau, même dans le sol, en fait, on a une capacité oxydante. Donc l'oxydation, globalement, elle détruit les molécules qui vont être, par exemple, ceux qui vont composer tout le vivant, les molécules des membranes, etc. Donc avant la toxicité, c'est surtout l'agressivité, en fait, du milieu qui est délicate. Et c'est pas vrai, seul sur Mars. Seul sur Mars, c'est pas vrai. Vous n'arriverez pas à faire pousser comme ça. Vous n'arriverez pas à faire pousser des patates comme ça. Il y a un petit traitement à faire. D'accord. Pas immédiat. Madame. Alors moi j'avais une question, une autre question. Donc ça porte sur ExoMars russe 2018. Et j'ai vu qu'il y a un groupe d'instruments qui vont être portés par ExoMars 18 qui s'appelle Pasteur, qui porte le nom de Pasteur. Alors est-ce que c'est juste la mention d'un grand nom, un microbiologiste, un grand savant, ou est-ce que c'est qu'on va porter des instruments là-bas qui vont travailler sur la façon de Pasteur d'utiliser, de voir la dissymétrie de la vie, éventuellement. C'est quoi? Alors d'abord, ExoMars russe, non. ExoMars, c'est une mission ESA. C'est en page 4, hein, ExoMars 2018, vous voyez en page 4. Le rover de la page 4, il est 95% européen. Et suite à un accord avec les Russes, on a accepté de mettre une ou deux expériences russes à bord du rover. Voilà. Donc, et Pasteur existait avant même que la Russie soit partie prenante dans la mission. Et pourquoi Pasteur ? Parce que, oui, c'est lié à tout ce débat sur l'émergence du vivant que Pasteur a étudié. Donc, c'est pour rendre hommage à Pasteur qu'on lui a donné ce nom-là. Mais je ne sais plus quelle est la question exacte. C'est un hommage, finalement. Hein, c'est pas qu'on va reprendre des travaux de Pasteur. Mais il n'y a pas d'expérience similaire. C'est juste similaire à savoir si, par exemple, si on trouve des cristaux, si on va faire les expériences de polarisation de la lumière permettant de découvrir, de séparer, faire la différence entre le vivant et le non-vivant grâce à la dissymétrie. Enfin, je ne sais pas. Cristaux. Alors, dissymétrie, est-ce que vous parlez de la... Attendez, vous parlez de quoi? Vous parlez des aspects d'évogir et d'extrogir des molécules. C'est ça, d'accord, oui. Oui, il y a cette possibilité à bord. Oui, la chiralité. La chiralité. La chiralité. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la chiralité, c'est le fait que le vivant préfère la chiralité gauche par rapport à la chiralité droite. La chiralité, c'est mes mains qui ne se superposent pas. Donc, il y a certaines molécules... sont chirales, c'est-à-dire qu'elles sont symétriques dans un miroir, et l'abiotique, le non-vivant, prend 50% du gauche et du droite, et le vivant privilégie le gauche pour certains types de molécules, ou le droite pour d'autres types de molécules, et donc c'est un critère pour savoir si la molécule que vous avez là, elle est d'origine biologique ou d'origine minérale, on va dire. Donc c'est très important, et oui, il y a une mesure de chiralité à bord de Pasteur, on va dire. À bord de Pasteur, oui. Ouais. D'autres interventions, peut-être ? Oui, je viens à vous. Merci. Bonsoir. Je voulais poser une question par rapport à la contamination, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'il est possible de décontaminer totalement un vaisseau qu'on envoie sur Mars, en fait ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça ne nous prive pas d'aller voir là où c'est vraiment intéressant, en fait quand on recherche des cibles pour les études, en fait. Ça nous priverait d'aller là où c'est intéressant, parce que si on ne peut pas totalement décontaminer notre appareil, eh ben on ne peut pas aller là où il y a peut-être de la vie, parce qu'on risquerait de contaminer ces zones-là. Alors, la décontamination, elle est variable suivant l'endroit où on va, Mars ou la Lune, et ce qu'on y fait. Viking recherchait la vie, donc Viking a nécessité une décontamination la plus poussée possible. Et la décontamination de Viking, ça a été la chaleur sèche à 120 degrés, je crois, pendant 24 heures, ce qui a induit un surcoût de la mission d'environ 30%. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que tous les composants internes de Viking résistent à cette chaleur sèche pendant 120 degrés. Donc ça a un coût assez considérable. Dans le cas de MSL, on n'est pas dans la recherche de la vie, donc on n'a pas ce critère absolu de décontamination. On fait en sorte d'être relativement propre, on va dire, on va simplifier un peu. Après, vous avez, et ça, les Américains sont partis dans des considérations que je trouve un peu personnellement assez excessives, ce qui s'appelle les régions spéciales sur Mars. Special region en anglais. Et les régions spéciales sont des régions qui, en fait, sont des régions où si on amène une source de chaleur, le RTG est une source de chaleur, eh bien, on peut faire fondre la glace et donc on peut créer le liquide. Et à ce moment-là, on va créer un domaine où les petites bactéries que nous avons amenées vont proliférer. Et donc, ça devient interdit. Et d'ailleurs, il y a des RSL, on va en parler des RSL. Il y a des RSL, semble-t-il, dans le cratère Gale. Des écoulements d'eau liquide. On va en parler. Et c'est interdit. Curiosity n'a pas le droit d'y aller. Moi, je trouve ça un peu délirant. Mais surtout que les Américains, vous savez, ils veulent aller sur Mars avec des hommes. Et comment on va faire pour stériliser les hommes ? On ne va pas stériliser les hommes. Donc, qu'on arrête de nous raconter des histoires. Donc, tout ça est complètement fou. Parce qu'aujourd'hui, on est plus stérile que le chirurgien, plus stérile que les gens qui font la chirurgie. Et déjà, vous n'avez pas trop d'infections quand on vous ouvre le ventre, c'est bien. Nous, on est mieux que ça. Et ça coûte une fortune. Et quand on va envoyer les hommes, on va de toute façon complètement polluer. Donc à un moment, il va falloir arrêter de cette espèce de dichotomie va devenir absurde et incohérente. Donc moi, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Vous avez un avis, Patrice Coll ? Il y a une limite, en fait, à cette protection planétaire. C'est que de toute façon, on peut stériliser et purifier autant que possible, si je veux dire, un vaisseau qu'on lance. De toute façon, il traverse l'atmosphère terrestre avant d'atteindre une planète. Et quand c'est Mars, c'est-à-dire que notamment que le voyage est court et proche, les transferts qui vont être vers la planète ne seront pas nuls. Et de toute façon, de manière naturelle, ces transferts existent, puisque on l'a évoqué avec les météorites. Il y a aussi des transferts de météorites, de matériaux, depuis l'origine du système solaire, entre notamment un astre comme la Terre et Mars, dans les deux sens, je dirais. On a trouvé sur Terre des météorites qui viennent de Mars, hein, de la matière dont on pense qu'elle vient de Mars. Donc, par contre, la politique américaine, par contre, je pense qu'elle est aussi culturelle. Hein. Ils ont une politique de parcs nationaux, de préservation de certains aspects de la biosphère qui sont assez larges. Donc je pense que c'est ça qui reproduit sur Mars. Et ça, par contre, c'est plutôt la discussion, je dirais, collective ou collégiale qui doit avoir lieu, effectivement, d'espace qu'on pourrait réserver pour, effectivement, si finalement ces analyses n'étaient pas très pertinentes, pour conserver au moins la possibilité d'atteindre des zones... on va dire historiquement protégé de la contamination terrestre. Il faut savoir que la contamination, c'est évidemment la contamination biologique, mais la contamination, elle est vraiment très très importante. On voit souvent des belles images d'exploration et beaucoup moins le revers de l'exploration. Là, on voit un peu plus sur Mars parce qu'il y a beaucoup de caméras qui sont envoyées sur les différents vaisseaux depuis quelques années. Mais par exemple, l'atterrissage de MSL est vraiment comparable, même si les termes sont un peu malheureux, à une scène de guerre. En fait, on a eu une plateforme en gravité zéro qui a été à quelques mètres de la surface avec des rétrofusées et qui a treuillé, en fait, le véhicule, donc je vous rappelle qu'il faisait une tonne à la surface, sur les quelques mètres qui restaient. Ensuite, des agents pyrotechniques qui avaient pour but de faire exploser tous les câbles qui reliaient le véhicule qui venait de se poser avec la plateforme avant que cette plateforme aille impacter le sol plus loin. Et en fait, la première action de Curiosity a été de quitter cette zone. La première action a été de quitter cette zone complètement polluée, aussi bien par des morceaux de câbles, de métal, de plastique. Alors, polluer, il faut s'entendre. Hein. Polluer, parce que vous avez vous cherchez des choses extraordinairement fines. C'est de la Suisse. Non, ouais. Et polluer. La pollution des mécelles à l'atterrissage. Elle gêne Sam. On est bien d'accord, voilà, c'est ce que je voulais dire. Une pollution chimique. Ah ouais. Mais c'est une pollution qui ne dérange pas. Ouais. Au sens qu'elle ne prolifère pas. Donc vous avez pollué un lieu, tant qu'on ne pollue pas toute la planète, on n'est quand même pas trop méchant. Et il suffit de sortir de la zone polluée et le reste est propre. Le problème de la pollution biologique, c'est qu'on ne sait pas si elle ne va pas proliférer. Et c'est là où on en arrive à des excès... incroyable, où il faut être extrêmement stérile. Précautionneux. Oui. Voilà, éviter. Ouais. Un petit mot, Patrick. Oui, je vous en prie, vous voulez terminer. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans l'absolu, tout est potentiellement polluant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est aussi, pour rejoindre ce que dit Francis, en fait, vouloir émettre des réserves sur certaines actions, de toute façon, à partir du moment où il y a de l'exploration spatiale, il y a de la pollution. Parce que, par exemple, le bout de plastique qui résulte de l'atterrissage de MSL, comment savoir dans un environnement dont on ne connaît pas tout, notamment par exemple la présence de perchlorate omniprésent à la surface de Mars ou quoi que ce soit, comment savoir que ce bout de plastique ne va pas réagir sous les radiations avec telle phase, produire une telle molécule. On a vu par exemple ce que produisaient les chlorofluorocarbones dans l'atmosphère de la Terre il y a 50 ans, et en fait déséquilibrer l'atmosphère martienne qui est très ténue parce qu'on va produire une espèce radicalaire qui va être suffisamment réactive pour en fait déséquilibrer équilibre. Pas à partir chimique. D'un petit bout de plastique quand même. Dans l'absolu, on ne peut pas le savoir puisqu'on on aura du mal à faire cette étude. Pour vous donner une idée, l'atmosphère de Mars, c'est principalement une atmosphère de CO2. Là, globalement, on entend Mars, planète, désert froid, aride, une planète morte, plus d'activité. Une atmosphère massive de CO2. Ben, on se dit le CO2, en fait, il est là et puis il ne bougera plus tant que la planète sera là. Il est en trop attiré par attraction gravitationnelle par la planète. En fait, ce n'est pas vrai. Le CO2, en permanence, il est photolysé et il produit du CO, donc du monoxyde de carbone, et du dioxygène. Et si... Et la réaction inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que le CO, quand il rencontre du dioxygène, il ne peut pas reformer le CO2. Or, vous allez me dire, bon, il est probablement bien gentil, ce Patrice Coll, mais en fait, ça fait 4 milliards d'années ou 3 milliards d'années, et je vois toujours qu'il n'y a que du CO2. Je ne vois pas apparaître du CO ou du dioxygène. En fait, si ce que je vous dis était se produisait, en fait, on aurait l'équivalent de 8% de CO dans l'atmosphère de Mars. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui se produit. Et ce qui se produit, en fait, c'est le peu d'eau, par exemple, qui arrive dans l'atmosphère martienne, par exemple, grâce aux micrométéorites, etc., se photodissocie, donc la lumière du soleil le photodissocie, produit une espèce radicalaire qui est très active, qui est le radical hydroxy, OH. Sauf que le OH, en fait, son métier, c'est de faire de la chimie. Lui, son métier, c'est pas de se promener. Dès qu'il est produit, il réagit. Et en fait, cette espèce qui est très très peu concentrée va être une sorte de moteur de chimie qui va recombiner le CO et le dioxygène en CO2. Donc en fait, le CO2 qu'on voit n'est pas une atmosphère stable, c'est une atmosphère métastable. Le CO2 est en permanence détruit et reformé. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est pas du tout pour dire que... pas une politique fiction ou une vision futuriste, mais en fait, ce petit bout de plastique qui évolue, qui potentiellement peut évoluer, peut potentiellement produire une espèce qui aura un impact dont on ignore tout. Donc en fait, l'exploration planétaire est forcément impactante sur l'environnement. Après, à quel niveau, à quel degré, ben, ça dépend de l'environnement. Et évidemment, sur un environnement comme Mars, on va dire très froid, très aride, assez inactif, etc., ben, on imagine que c'est des endroits où on est quand même moins à déclencher des réactions, soit chimiques, soit des processus physico-chimiques complexes. Alors, une question au fond. Une question par rapport à la vitesse de déplacement des rovers, puisqu'on sait que les rovers comme MSL ou les autres rovers qui ont été envoyés ont des vitesses de déplacement très lentes, je crois que c'est de l'ordre de trentaine de centimètres par heure, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui explique cette vitesse de déplacement? Est-ce que c'est un choix scientifique ou est-ce qu'il y a des restrictions techniques quant à la capacité des panneaux solaires ou autre chose? Il y a plusieurs considérations. Personnellement, je pensais que MSL irait plus vite. J'étais convaincu qu'il pourrait faire 1 km par jour. Bon, en fait, c'est pas du tout ce qu'il fait. Je rappelle qu'Opportunity détient le record de distance parcourue en une journée, qui est 200 mètres. Donc un petit engin qui fait 150 kg peut faire 200 mètres. Si un gros peut pas faire 1 km, moi, j'y comprends rien. Hein. Alors, il faut quand même se souvenir de deux choses. D'une part, que le site d'Opportunity, c'est quasiment la Lune. Vous pouvez naviguer les yeux fermés. C'est tout plat. Et hop, on y va tout droit et ça pose pas de problème. Tant et si bien d'ailleurs qu'ils se sont enlisés dans une dune, pour ceux qui s'en souviennent. Dans le cas de Curiosity. Ce qui a fait chuter la moyenne. Ah oui, depuis les 200 mètres n'ont jamais été battus. Depuis, ils se sont fait taper sur les doigts en disant allez, on arrête de jouer. Maintenant, vous allez être un peu sérieux. Donc, depuis, ils n'ont pas pu battre leur record de 200 mètres. Mais dans le cas de Curiosity, le terrain est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et vous ne pouvez pas partir tout droit les yeux fermés. C'est pas vrai du tout. Vous avez des espèces de grosses marches de rochers qui font 1 mètre de haut. Et vous tapez là-dedans, vous allez casser le rover. Donc, ça cumulé au fait que... Parce que ça, on aurait pu penser qu'au début, il aurait pu aller un peu plus vite. Je dirais, il y a eu l'extrême prudence des opérateurs du JPL qui franchement, ne voulaient pas faire la moindre bêtise, donc ne voulaient pas tenter de faire 100 mètres en une journée. Je crois qu'ils faisaient un MNT tous les 2 mètres. MNT. Qu'est-ce qu'un MNT? Oui. C'est les caméras stéréo qui sont devant, qui prennent dans champ de vue, et qui vous modélisent en 3 dimensions le terrain qui est devant. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a un rocher, où est-ce qu'il y a un trou, où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Et le calculateur de bord, à partir de ce MNT, dit « tout droit, c'est bon, ou alors il va falloir que je tourne parce que j'ai un obstacle ». Tous les 2 mètres, il faisait un MNT. Mais je pense que c'est complètement excessif. Il pouvait faire un MNT tous les 10 mètres et il aurait pu aller beaucoup plus vite. Après, vous avez une limitation qui est l'énergie, qui vient de ce que le RTG, ben, il donne pas une énergie considérable. Or, il n'est pas question de vider la batterie et de faire disjoncter Windows, je dirais. Hein. Ça, c'est des choses qu'on n'aime pas faire. Et puis la troisième considération, oui, c'est que assez rapidement, on s'est rendu compte que les roues s'endommageaient. Et là, ça a été, je crois que le JPL a été très très vexé sur cette histoire, parce que des roues, c'est quand même simple. Et ben non, les roues, c'est si simple. Il y a des trous hein, carrément dedans. Les roues sont percées. Hein. Elles sont heureusement qu'il y a des nervures, parce que la tôle d'aluminium est complètement percée. Ils ont peur que des débris viennent arracher le câble qui alimente le moteur de la roue. Et donc, s'en est suivi. Alors, vous savez qu'au JPL, on ne fait pas les choses à moitié. Ils ont étudié avec une précision millimétrique tout le terrain alentour grâce aux images IRIS comme ils savaient où ils étaient, ils transposaient le lieu où ils étaient sur l'image iris, ils pouvaient extrapoler tout ce type de terrain. Et ils avaient déterminé les terrains qui étaient ce qu'on appelait des champs de mines, c'est-à-dire des terrains avec des cailloux pointus vers le haut et boum, ça perçait les roues, des terrains qui étaient interdits parce que beaucoup trop poussiéreux avec des risques de s'enliser, et les bons terrains qui avaient suffisamment de poussière et pas trop de cailloux. Et donc ça a obligé à faire des zigzags pour optimiser ce qui s'appelait les roues qui sont devenues des consommables. Donc le problème, c'est de savoir quand elles vont casser. Et aujourd'hui, on pense qu'elles vont tenir jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de risque d'effondrement d'une roue. Mais néanmoins, c'est un vrai souci. Donc ça a été étudié et ils prennent des photos des roues, je crois, tous les jours, hein, pour voir s'il y a des nouveaux trous. Je vais juste rajouter un petit détail, même si effectivement je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Francis. Et au niveau de l'état des roues, elles vont aller jusqu'à la fin de la mission, c'est-à-dire dès qu'on arrive aux argiles. Donc il n'y a pas de raison que, comme on va arriver très prochainement, c'est sûr qu'elles vont, elles vont tenir. Juste, il y a une Francis a fait une petite comparaison entre les Mer Rover et Curiosity. Il y a un autre élément quand même en termes de prise de risque, c'est que effectivement Curiosity apparaît plus puissant, plus massif, etc. Mais c'est aussi peut-être, on va dire, son talon d'Achille. Parce que finalement, l'importance de cette mission, je l'ai dit déjà, c'est une to-go mission, l'important, c'est la mobilité. À partir du moment où MSL n'est pas mobile, la mission, globalement, ça se transforme en une station météo, deux personnes restent pour faire le monitoring et c'est terminé. Et en fait, qu'est-ce qui peut limiter cette mobilité, hormis une panne générale? C'est, justement, on a parlé des roues, et tous les systèmes d'articulation. Finalement, c'est une... quand même une gravité sur Mars qui n'est pas nulle, hein, même si elle est plus faible que sur Terre. L'objet est très massif. Et en fait, forcément, entre guillemets, si on roule, notamment, alors évidemment moins longtemps, mais surtout un peu plus vite, en fait, le risque qu'il y a, c'est qu'on accroît les forces qui s'exercent sur les articulations. Et c'est un peu comme les vieilles personnes, ce qu'on imagine en fait peut-être de ce robot, ce qui va commencer à limiter sa mobilité, c'est plutôt les articulations en fait, hein, hormis vraiment une panne, un accident, c'est effectivement qu'il va avoir plus de mal à déployer ses mécanismes, à garnir sa motricité. Donc entre puissance et robustesse, c'est là que se cherche à se faire l'équilibre. Hein. La robustesse, a priori, elle se conjugue mal avec une avancée systématique très rapide. Ouais. Opportunity a passé le cap du marathon. C'est-à-dire qu'il a fait plus de 42 km. 42 km et d'accord. Quelques. Voilà. Bravo. En combien d'années? Parce que sur Terre, il y en a certains qui le font en 2 heures. Hein. Là, il a mis 12 ans. Voilà, c'est ça. Bon. Il a mis 12 ans. 2004-2016. Et il continue. Hein. Ouais. Il est vaillant. J'ai une question en fait concernant donc la durée de vie du MSL. Donc à l'origine, je crois que elle était considérée de 2 ans, de 2012 à 2014. Donc qu'en est-il actuellement? La mission, enfin le rover a-t-il déjà atteint ses objectifs et s'en est-il fixé de nouveau du coup, si avec l'allongement de sa durée de vie? Alors, attendez, la durée de vie, il faut bien comprendre que c'est pas une durée de vie en termes de consommables, de roues, d'épuisement du RTG. C'est un acte contractuel entre la NASA et le JPL, ce qu'on appelle la mission nominale. Ça veut dire que le JPL a eu un contrat, a été payé pour fabriquer Curiosity, pour faire une mission, et son mandat dans le contrat, c'était on veut que ça tienne 1 an martien, donc 2 ans terrestre. Mais c'est purement contractuel. Et ça veut dire qu'au bout des 2 ans, le JPL considère que l'objectif technique est atteint. Et pour toutes les missions scientifiques, c'est pareil. Maintenant, l'ESA fait pareil, il y a ce qu'on appelle la mission nominale. Et après, on discute l'extension. On discute. Ça veut dire que c'est pas automatique. Ça veut dire qu'on vous demande de réduire vos coûts. Les coûts d'exploitation, c'est quand même pas négligeable. Je crois que c'est du 80 millions de dollars par an pour MSL. Donc on passe de 80 à 60. Cassini, c'est pareil. Ils sont passés de 60 à 50. Bon. Donc, on argumente sur la science qu'on va faire. Voilà, ça c'est une réponse. Alors ça peut durer longtemps. Hein. Viking, ça a duré 6 ans. Vous allez me dire, là, on commence à les atteindre, les 6 ans. Mais après, vous avez d'autres considérations. Excuse-moi, c'est vrai que les Vikings ont duré 6 ans de plus que la mission nominale, c'est ça? Viking, au bout de 6 ans et demi, on l'a éteint. Ah oui, c'est ça. L'un des Viking Lander, ouais, a été éteint parce que la NASA considérait que ça valait plus la peine. On prenait des photos pour voir des papillons. On n'a vu aucun papillon. Non. Donc on a estimé que ce n'était pas intéressant de prendre des photos pour rien voir. Donc pendant 6 ans, on prenait des photos. Vous avez 3 années martiennes, vous avez des cycles, très bien. Et là, à un moment, la NASA dit stop. Parce que scientifiquement, on ne gagnait plus rien. À un moment, sur Curiosity, ça va être la même chose. il va se poser la question de est-ce qu'on continue ? Est-ce que scientifiquement ça a un intérêt ? Qu'est-ce que... Alors, les scientifiques, ils débordent d'imagination. Ça, ils ont toujours des arguments pour vous dire que c'est intéressant. Mais il faut réduire les coûts, donc réduire les équipes et simplifier les opérations et prendre plus de risques. Sur Opportunity, ils sont beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, ils ne communiquent pratiquement plus. Alors qu'avant, tous les jours, on avait des infos, etc. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Et là, la mission étendue, qui est la deuxième mission étendue, la nominale plus deux étendues, nous emmène à fin 2018. Et après, on verra. Alors, je voudrais juste faire un tout petit rappel, parce qu'on parle de beaucoup de sigles. Quand on parle de MSL et Curiosity, c'est la même chose. MSL et Curiosity, c'est la même chose. Ensuite, il y a eu deux autres rovers avant, qui s'appelaient... Opportunity, dont on a pas mal parlé là, et aussi Curiosity, et Spirit. Et on parle aussi du JPL. Le JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Voilà. La mecque de l'exploration planétaire. Oui, pour compléter, même s'il y avait des missions étendues, on va dire, dans les mêmes proportions, parce que le record, tu l'as pas dit, c'est les mers, puisque la mission nominale les mers, était c'est... les Mars Exploration Rover, donc Spirit et Opportunity. Voilà, Spirit et Opportunity, c'est les deux autres. Donc là, on était sur des missions nominales plutôt de 3 mois. Donc évidemment, 3 mois, quand Francis parlait d'une exploration qui dure 10 ans, si on la projette à MSL, on va sur 80 ans. Donc on devrait arriver aux argiles, logiquement, à cette échelle de temps. Elle est pas mal, celle-là. Mais évidemment... Et on devrait arriver à l'épuisement du RTG. Là, c'est 88 ans, hein, je crois, la demi. Ouais. On va jusqu'au bout. Mais bon, la vraie limite, c'est effectivement les hommes. Et une limite qui, à mon avis, est vraiment pas fictive pour MSL, c'est... un autre acronyme, MSL 2020, puisque là, ça va reposer en bonne partie sur les mêmes équipes. Alors là, on l'a appelé Mars 2020, donc j'aimerais bien qu'on l'appelle Mars 2020. Donc on va l'appeler Mars, c'est très bien Mars 2020, c'est sûrement moi qui n'ai pas le bon... Donc Mars 2020, et là, ça repose en grande partie sur les mêmes, notamment les mêmes équipes d'ingénierie. Donc de toute façon, les personnels ne pourront pas animer les deux missions. Ah oui, d'accord. Donc la vraie limite, ça sera la mise en œuvre de Mars 2020, donc en 21. Tu t'es contredit. Il y a les équipes d'ingénierie, ceux qui fabriquent, et les opérateurs. Ce n'est pas les mêmes équipes. Le jour où on va lancer Mars 2020, là, effectivement, il va y avoir un conflit. On pourra. Je parlais des ingénieurs opérateurs. Ouais. Je parlais des ingénieurs opérateurs. Ah, d'accord, oui. Non, pas ceux en développement, bien entendu. Ouais. Moi qui ai passé tous les tests avec succès pour être admis. À la prochaine mission sur Mars, par la NASA, je suis accueilli. Mais il m'avait caché la chose que Francis Rocard m'a appris. Moi qui veux faire beaucoup d'enfants, il faut être stérile, non merci. Ah bah oui, là ça va pas ça. Page 7, est-ce qu'on se rendrait page 7? On va voir nos RSL, là, nos Recurring Slope... L'INAE, ce sont ces espèces de traînées, de coulures noirâtres. Certains les ont comparées à des doigts. Il s'agit de quoi, Francis Roca ? Est-ce qu'il faut s'exciter aussi ? Il faut quand même se rappeler que cette histoire a démarré en l'an 2000. Publication qui a fait couler beaucoup d'encre. Découverte des gullies, en français des ravines. Et le reviewer que Patrice connaît, Mike Carr, qui est un grand martien américain, tout petit par la taille d'ailleurs, il doit faire 1m55. Mais alors par contre, c'est un type très très très fort. Et il a expliqué, en gros il disait, écoutez, on n'y comprend rien, mais les faits sont là. Et les faits, c'était les images. Et donc on voyait des ravines qui coulaient et qui ne pouvaient pas être très anciennes. Or, quel est le liquide qui pouvait couler? Bon, et c'est tout le gros point d'interrogation. Alors depuis, les gens ont travaillé. Et en fait, ce qu'on a appelé des ravines de façon générique... on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un type de ravine. Je crois qu'il y en a 7, dont certaines sont complètement sèches. Un exemple, vous avez des cas où c'est des espèces d'énormes boules de CO2 qui dévalent les dunes, qui vous font des lignes parallèles superbes, et arrivé en bas, le CO2 sublime, la boule a disparu. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais la boule. Par contre, vous voyez la trace. Et par contre, l'objet a disparu. Donc on pense que c'est de là. C'est une espèce de boule de bowling en CO2, de la neige carbonique, qui crée ces ravines. Alors, parmi les 7 types, vous avez celle-là. Et page 7, les RSL. Les fameux RSL. Recurring Slope Linae, et qui ont été en fait découverts et dont les effets d'écoulement ont été déjà annoncés en 2011. Donc c'est pas nouveau. Hein. Je me souviens, j'ai le point GIF de cette image du bas qui date de 2011. Néanmoins, à l'époque, on se posait des questions de savoir quel était le phénomène. Et le point GIF en question, pour ceux qui le connaissent bien, vous aviez la longitude de ce qu'on appelle la longitude solaire, c'est-à-dire la saison. Et donc, on se rendait bien compte que la ravine coulait au moment où l'été arrivait sur cette zone, c'est-à-dire sur l'hémisphère nord, au moment où c'était l'été de l'hémisphère nord. Donc, on pensait bien qu'il y avait un effet thermique. En plus, l'heure était aussi cohérente avec un échauffement. Donc, le moment où il y a le plus d'ensoleillement dans la journée. Voilà. Donc, tout ça était laissé penser que c'était un liquide qui coulait. L'élément nouveau qui a fait l'objet d'une publication il y a très peu de temps, c'est que à bord de Mars Reconnaissance Orbiter, celui qui a cette caméra extraordinaire qui fait ces images, il y a un deuxième instrument qui est, on va dire, le petit frère d'Oméga. Donc petit mais plus performant. En termes de résolution spatiale, c'est de la spectro-imagerie visible et infrarouge. Ça veut dire qu'en fait, votre pixel image est un spectre dans l'infrarouge ou dans le visible, et la taille du pixel fait 30 mètres. L'Oméga fait 300 mètres. C'est là où les Américains ont fait un peu plus gros. Et donc, ils sont allés voir les coulées sombres que vous avez sur cette image, et ils ont, si je ne dis pas de bêtises, ils ont découvert effectivement qu'il y a des sels, notamment des perchlorates. Perchlorates, oui. Ils n'ont pas vu l'eau. En fait, c'est encore indirect, cette histoire-là. Ils n'ont pas vu l'eau, mais ils ont vu des sels, et donc ils en déduisent, de façon un peu indirecte, mais assez convaincante, qu'avec les arguments de saison, avec les arguments d'heure locale, avec l'existence des sels, oui, c'est un écoulement liquide. Est-ce que les sels se fabriquent dans l'eau liquide, c'est ça? On non, a besoin de liquide non, pour fabriquer des non. sels? Les sels, ça vient du fait que la rivière en eau douce gèle et l'océan salé ne gèle pas. Parce que si vous avez des sels, votre eau est beaucoup plus stable. C'est valable pour le gel, mais c'est aussi valable pour la sublimation. Donc de l'eau salée tient à très basse température, n'est pas gelée. Et après, la question qui est intéressante, c'est d'où viennent ces sels? Moi, je sais qu'il y a une des images qui m'a beaucoup intrigué, elle n'est pas d'ailleurs là, c'est une troisième, bon, peu importe, où on a vraiment l'impression de voir la montagne suinter. C'est-à-dire que c'est tous les affleurements suintent. Donc ça veut dire que c'est dans la masse de la montagne. Oui. Alors est-ce que c'est des masses de perchlorate par centaines de mètres d'épaisseur? J'en sais rien. Mais voilà, donc ça c'est l'observation. Alors maintenant la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que ça bouleverse tout? Moi j'aurais tendance à dire non. Au sens que la stratégie de monsieur qui était qu'est-ce qu'on fait en ce moment, ben, est toujours la même. On continue à chercher la vie ancienne, celle d'il y a 4 milliards d'années. Mais les Américains ayant beaucoup de moyens, ça n'exclut pas le fait qu'ils aillent peut-être poser un engin in situ pour essayer d'aller voir de plus près la composition de ces RSL. Parce que l'eau liquide, c'est quand même une des conditions dont on parle pour l'émergence de la vie, évidemment, mais aussi pour qu'elle puisse éventuellement perdurer. Alors, donc j'imagine que c'est ça la parole de l'astrochimiste. Patrice Coll, qu'est-ce qu'on en dit justement chez vous, dans votre labo aux États-Unis, de ces écoulements? C'est un peu comme l'excitation qu'il peut y avoir que vous évoquiez autour du méthane. Évidemment, de l'eau liquide actuelle, c'est évidemment un élément qu'on imagine nécessaire à la vie telle qu'on la connaît. Après, quand Francis dit ça ne bouleverse pas tout, en tout cas ce qu'on imagine sur Mars ou les stratégies qu'on va mettre en œuvre, c'est notamment parce que ces phénomènes sont sporadiques. Ça n'empêche pas qu'ils soient éprouvés, observés, que les hypothèses qui commencent à être en lien avec ça soient relativement robustes. Mais en tout cas, c'est vraiment très sporadique. C'est pas quelque chose. Alors, ça se produit combien de temps? Elles durent combien de temps? Ils durent combien de temps ces écoulements? Ça a quelle taille? Francis. Alors les gullies, c'est en général c'est de la taille du kilomètre ou moins. Donc c'est tout petit par rapport aux vallées de débâcle, aux vallées ramifiées dont on parlait dans le grand basculement. Hein. Et donc ça c'est la dimension. Il y a des gullies qui font la dizaine de mètres de large. Et après c'est quoi la question? Oui non, c'est combien de temps ça dure par exemple? Alors, combien de temps ça dure? Alors c'est compliqué parce que MRO passe pas. ne passe pas à fréquence rapide au-dessus de la même zone. Donc en fait, quand il est passé, il ne peut revenir que 5-6 jours plus tard. Je ne sais plus exactement la récurrence. Et donc on essaye d'interpréter d'une image à l'autre la vitesse d'écoulement, pendant combien de temps le phénomène perdure. C'est de l'ordre probablement de la semaine, je dirais. Typiquement, c'est la semaine. C'est pas instantané. D'abord parce qu'on les voit progresser d'une image à l'autre, donc c'est relativement lent. Et après, le vent fait son office, les poussières sont soulevées, recouvrent toutes ces traces noires, et hop, elles ont disparu pour l'année suivante. Patrice Cole. À nouveau sur parce que c'était un peu ce qu'il y avait dans votre question, l'apparition ou la vie contemporaine. Bon, l'eau c'est très bien, mais les perchlorates à nouveau c'est beaucoup moins bien. Ah oui. Et de plus, ce sont là au contraire on est sur des surfaces exposées. Beaucoup moins bien parce que c'est très contraire avec la vie. Hein. Il y a du chlore, le chlore c'est ce qu'on met dans les piscines pour. Les perchlorates, ça ressemble à l'eau de Javel. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Javel, mais ça donc c'est vilain, voilà, c'est vilain pour la vie. C'est extrêmement oxydant et c'est plutôt des choses effectivement qu'on utilise pour justement décontaminer, désinfecter, etc. Et de plus, les surfaces étant exposées, on est capable de les sonder. Il faut savoir que quand on regarde des satellites du système solaire extérieur, des petits corps, des surfaces glacées, on arrive à trouver des traces, on pense, de matière organique qu'on observe, qui sont déposées finalement de manière assez omniprésente sur les surfaces, même des petits corps, et qu'on arrive par télédétection à observer. Or là, on ne voit pas d'autres matières que des minéraux, qu'on a cité par exemple, c'est celle-là. Et évidemment, on observerait par exemple, partant dans la fiction, des colonies de cyanobactéries potentielles le long de ces écoulements liquides. Là, évidemment, que l'excitation serait très intense. Mais là, on n'est a priori pas sur un environnement qui présente de l'activité biologique. Donc là aussi, hein, c'est un peu comme le méthane, c'est excitant, mais voilà, c'est un premier pas. C'est des phénomènes auxquels on n'avait pas forcément pensé instantanément. Est-ce qu'on pourrait, avant que je vous passe à nouveau la parole, hein, si vous le souhaitez, peut-être redire un mot d'ExoMars 2018 quand même, parce que il y a des ambitions de la part de l'Europe qui sont vraiment importantes. Là, l'idée d'envoyer un rover, on n'a jamais rien posé hein, sur. Rappelez-nous la page, Francis. L'Europe n'a jamais réussi à poser quelque chose à part 4, Beagle 2, oui. Page 4, voilà, sur Mars. On veut carrément y envoyer un rover. Pour la première fois, on va pouvoir forer à 2 mètres. C'est extrêmement ambitieux. On fait ça avec les Russes. Ça doit partir en 2018, mais il se dit quand même que là, on va peut-être attendre au moins 2 ans de plus, parce qu'on peut aller sur Mars que tous les 2 ans pour des raisons de mécanique spatiale. Donc voilà, belle ambition quand même. Alors oui, aujourd'hui, tous les engins qui ont fonctionné sur Mars sont tous américains. Ça, c'est la triste réalité de ce que l'on vit à la surface. En orbite, on a Mars Express qui sauve l'honneur et on a les Indiens sont également en orbite. Je vous rappelle, il y a Mangalayaan qui est en orbite depuis 2013, en même temps que Maven. Et depuis, on n'a pas énormément de nouvelles. D'ailleurs, ils ont un senseur de méthane, mais je crois qu'ils ont annoncé quand même qu'ils n'avaient rien vu. D'accord. On le sait. Mais je pense qu'ils, s'ils l'avaient vu, ils l'auraient dit très fort. Ils auraient crié très fort. Mais ils ont, au détour d'une phrase, non, ben on continue à chercher. Voilà. Parce que c'est autant qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Alors, l'affaire ExoMars, elle est compliquée. Se poser sur Mars, c'est très difficile. Parce que l'atmosphère est ténue. Parce qu'il ne suffit pas d'un parachute comme sur Huygens, je dirais. Titan, il suffisait d'un parachute pour se descendre en douceur. Sur Vénus, il n'y a même plus besoin de parachute. Vous coupez le parachute, vous tombez et vous arrivez au sol. On a des petits problèmes de température, d'accord. Mais ça sort degrés quand même. Oui. Mais sur Mars, c'est très compliqué parce que dès que votre phase parachute est terminée, vous êtes à 5 km d'altitude. Donc si vous ne mettez pas en route des rétrofusées, vous vous écrasez grave. Donc c'est compliqué. Alors Schiaparelli va nous permettre d'apprendre. Mais ce qu'on aura appris, évidemment, ne va pas être utile pour Mars 2018. 2 ans d'écart, ce n'est pas assez. Il faut 6 ans, en général, pour avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise nos amis russes pour nous poser sur Mars. Ça, plus le fait qu'on n'a pas assez d'argent pour faire la mission, donc on a fait appel aux Russes. Voilà. Alors, comme l'a dit Patrice très bien, on a fait une stratégie qui n'est pas celle des Américains, et c'est tant mieux parce que c'est une niche qui nous permet de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Je pense à cette affaire de forage. Forage à 2 mètres, c'est extrêmement ambitieux aussi. Je peux vous dire tout de suite qu'on ne va pas forer à 2 mètres tout de suite, parce que c'est des tiges de 50 cm qu'il faut rabouter, 4 tiges l'une derrière l'autre, en automatique. C'est un peu risqué cette histoire, donc je pense qu'on va attendre un an ou deux avant de forer à 2 mètres, mais par contre on pourra forer à 50 cm sans trop de problèmes. Et on a des instruments à bord assez très sophistiqués, y compris un instrument américain lui-même. Voilà. Donc la charge utile de ce rover, et nous au CNES, on a toujours dit que c'était notre mission préférée. Voilà. Ah ouais. La première nous intéressait un peu moins. D'ailleurs, on n'est pas très... 2016. Celle de 2016. Ah ouais. Tout simplement parce que scientifiquement, elle nous intéresse. Mmh. Parce qu'on est au sol de Mars, parce qu'on est sur un rover et qu'on a tous ces instruments liés à ce forage. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème financier et il y a un problème de calendrier. Les deux vont en général de pair. Et donc, comme tu l'as pressenti, il est probable que la mission parte pas en 2018 à cause de, du fait qu'on n'est pas prêt. Or, ça veut dire qu'il faut reporter la mission de 2 ans. Ça coûte cher, parce que toutes les équipes doivent être maintenues 2 ans de plus. Et quand vous avez des équipes industrielles chez Thales, ça coûte. Il faut maintenir toutes les équipes pendant 2 ans de plus. C'est très onéreux. Et donc, il va falloir que nos ministres de la recherche européens, qui vont se retrouver à Lucerne en décembre ou novembre, je sais plus, novembre ou décembre. Peu importe, fin de l'année, accepte de payer un supplément pour terminer la mission. Voilà. Je pense qu'ils le feront, parce qu'on est tellement près du guet, près du but, là, que ça serait complètement absurde d'annuler la mission. Mais le directeur général de l'ESA pourrait... c'est une posture, hein, je vous rassure tout de suite. Pourrait proposer l'annulation de la mission. C'est comme ça que c'est présenté. Pourquoi ? L'objectif, c'est d'une part de reconnaître devant les ministres que on n'a pas réussi à tenir les coups. Hein. C'est donc pour l'ESA, c'est pas non plus une totale réussite. Et c'est aussi c'est une posture vis-à-vis de l'industrie pour leur dire, vous savez, si vous n'êtes pas raisonnable, moi j'ai proposé l'annulation. Donc il y a une négociation en ce moment qui est de dire, faites un effort, sinon moi je propose l'annulation et après on ne sait pas ce qui se passe. Si les ministres ne sont pas contents, ils peuvent annuler. Bon, encore une fois, moi, je pense que ce ne sera pas annulé, mais je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Si effectivement, ils estiment que la facture est trop chère et que ça a assez duré, boum, ils annulent tout et on n'a pas de mission. On saura ça à la fin de l'année. Et voilà, donc la première mission est bien partie. C'était important. Beaucoup de gens disaient, il faut absolument que cette mission parte, sinon... ExoMars 2016, sinon, imaginez que la Proton ait explosé, on aurait été dans un contexte complètement différent. Elle a quasiment explosé, là. Voilà, elle a explosé, mais TGO va très bien, merci. Très bien. Donc, voilà l'histoire d'ExoMars. Et donc, pour l'instant, la mission continue. Alors, il y a Patrice Coll à votre côté. Vous êtes très concerné par ExoMars 2018, parce qu'il y a, sur ExoMars 2018... un instrument qui s'appelle MOMA et qui est un cousin de SAM qui se trouve sur MSL Curiosity qui est actuellement sur Mars. Oui, on va dire il est de la même famille. Hein. Je ne sais pas si c'est un petit frère ou un cousin, mais en tout cas, il bénéficie d'un certain héritage déjà technologique et aussi d'un retour d'expérience qui, au niveau d'une filière instrumentale, est évidemment plus rapide que le retour d'expérience qu'évoquait Francis d'une mission à une autre. Donc, on va dire, c'est, pour faire simple, une sorte de petit SAM qui va avoir la capacité aussi de faire des bilans en matière organique, notamment, y compris au niveau de l'énantiomérie, donc cette fameuse chiralité qu'on a évoquée, là, les molécules orientées gauche ou orientées droite, avec surtout, comme originalité par rapport à la mission de Curiosity, de pouvoir accéder, comme on l'a déjà dit, à des réserves peut-être plus enfouies, et donc des fossiles peut-être organiques. C'est l'originalité de la stratégie. Hein. Tout vient de ce forage. Il faut savoir qu'au niveau de Curiosity, donc la mission MSL, au départ, l'idée avait été confiée de mettre des Canadiens en fait, sur l'affaire pour faire du forage, tout simplement parce que les Canadiens, ils ont l'habitude de forer des puits divers et variés, par exemple des puits de pétrole dans des surfaces glacées. Donc je ne sais pas si c'était une caricature du Canadien, mais en gros, les Américains avaient trouvé ça, du coup, des gens particulièrement qualifiés, sauf que quand le cahier des charges a commencé à se définir de manière un peu plus intense, notamment en termes d'énergie, de profondeur à forer, de données aussi sur l'environnement qu'il y avait à forer, les capacités des Canadiens, en tout cas, sont des gens très raisonnables, ont dit nous, on ne va peut-être pas faire, parce que pour le moment, on ne sait pas ou on ne sent pas suffisamment armé ou capable de suivre le cahier des charges. Donc c'est quand même une vraie performance de l'Agence spatiale européenne, en tout cas du savoir-faire européen, d'être se mettre en capacité de forer à 2 mètres, en tout cas 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres, comme l'a expliqué Francis. Après, évidemment, l'affaire est à suivre. Alors, attends, juste sur ce sujet, il faut quand même préciser que si ce n'est pas les Canadiens qui le font, c'est ceux qui ont fait la foreuse de Philae. C'est les mêmes. Ah oui. Eh oui. C'est l'équipe italienne. Philae, il faut rappeler ce que. Philae, qui s'est posé sur la comète, qui avait un système de forage qui est à peu près équivalent de celui-là, sauf qu'il n'y avait qu'une tige d'environ 50 cm. Et là, la subtilité, c'est qu'on peut. Connecter 4 tiges les unes derrière les autres et on peut atteindre 2 mètres. Mais c'est la même équipe, donc il y a le savoir-faire de Philae qui est derrière. Il y a le savoir-faire, mais évidemment pas le même environnement, puisqu'entre forer évidemment une boule de glace, de neige sale, on va dire, et forer une surface de planète tellurique, on n'est pas tout à fait dans le même cahier des charges, mais c'est bien que ça soit dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on commence par le moins dense, puis le plus dense. Sur le forage, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a le résultat de Curiosity, qui est que Curiosity fait des trous d'environ une dizaine de centimètres, ça rentre comme dans du beurre. C'est tout mou. Inversement, Phoenix, qui, souvenez-vous, s'est posé près du pôle Nord en 2007-2008, a essayé avec une pelle qui était pourtant spéciale, la pelle. Hein, c'est pas n'importe quoi. Le but, ils avaient l'objectif de creuser d'un mètre. Un mètre. Ils n'ont jamais pu atteindre 10 centimètres parce qu'ils ont tapé dans la glace. Et là, ils ont essayé de forer, enfin pas de forer, de creuser avec cette pelle qui est une espèce de rabot. Ils n'ont jamais pu parce que c'était extrêmement dur. Si je ne me trompe pas, sur ExoMars 2018, sur ce rover, il y a un petit radar qui est capable de sonder un peu les profondeurs du sol pour déterminer si là, je vais taper dans quelque chose de dur ou... Il ne va pas vous dire ça. Non. Il va vous dire... il est français, ce radar. Hein, ouais. C'est l'équipe du Latmos avec Valérie Charletti qui est responsable. L'idée, c'est de savoir si on va être dans du régolithe, dans du sable ou alors du ce qu'on appelle le bedrock, c'est-à-dire la vraie roche. Et comme on a envie de creuser pour les problèmes de radiation, on a envie aussi d'atteindre un bedrock et pas rester dans un régolithe la roche massive, la roche mère, mais quelque chose de réellement consolidé par rapport à un dépôt de sable qui serait beaucoup plus récent. Ou un dépôt de poussière, lui-même très récent. Parce que, encore une fois, il faut taper dans une roche qui a 4 milliards d'années pour récupérer des molécules anciennes. On va bientôt se quitter. Ouais, merci Xavier. Alors, s'il y a encore une ou deux questions, c'est le moment. Hein. Madame, voilà. Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà choisi où ExoMars 2016 va atterrir? On attend d'être sur orbite pour choisir le lieu. Et ça sera dans quel environnement géologique? Non. Ce que vous décrivez, c'était Viking. À l'époque de Viking, effectivement, on se mettait en orbite et après on regardait. On disait, où est-ce qu'on va se poser là? Oh, là, c'est bien. C'est comme ça qu'on a fait avec Viking. Et on a vu une embouchure de fleuve. On dit, tiens, c'est intéressant, on va le mettre à l'embouchure du fleuve. Mais depuis, ce n'est pas ça qu'on fait. Depuis, on met 3 ans à choisir le site parce qu'on a des caméras de type celle d'Iris qui vous donne 30 cm par pixel. Et dans l'occurrence, pour Schiaparelli, Encore une fois, Schiaparelli est un démonstrateur d'atterrissage. On n'attend pas beaucoup de science derrière. Durée de vie, 4 jours. On est sur batterie. Il n'y a pas de panneau solaire. Je ne sais même pas s'il y a une caméra. Je crois qu'il n'y en a pas. Ouais. Je crois qu'il n'y en a pas. Ce qui me paraît un peu un désastre. Parce que comment vous avez prouvé que vous êtes sur Mars si vous n'avez pas une petite photo pour le montrer? Vraiment. IRIS, voilà. Mais donc on va se poser là où c'est plat, en gros. Donc on n'en est pas à chercher les argiles, on n'en est pas à chercher... Et on va se poser... Je crois que le site, c'est Meridiani Planum. Hein, c'est le site qui a été choisi. Et voilà. Et donc, les critères des sites ne sont pas les mêmes suivant le type de mission. Pour MSL2, c'est différent. Pour InSight, ça sera c'est différent également. Ce n'est pas les mêmes critères. C'est plutôt les volcans autour qui nous intéressent pour une éventuelle tectonique... une activité tectonique liée à des tremblements liés à des volcans, par exemple. Voilà. Pascal, vous vouliez dire un mot ? Oui, parce qu'évidemment, Francis parlait de Vikings. La différence aussi entre l'époque de Vikings et l'époque contemporaine, c'est que maintenant, Mars, c'est chez nous. Quand j'aime bien dire ça aux étudiants, c'est chez nous tout simplement parce qu'on a des orbiteurs. C'est-à-dire que comme sur Terre, on a des orbiteurs, des satellites qui tournent et qui cartographient en permanence l'environnement. Donc on a vu, on peut observer l'environnement, hein, on a des photos. Et également, on peut également documenter les sites d'atterrissage potentiels et les choisir, ce qu'on ne pouvait pas faire avec autant de facilité à cette époque-là, en tout cas sur certaines caractéristiques. Et on peut le dire aussi, le site d'atterrissage d'ExoMars 2018 a lui aussi été sélectionné. Donc c'est un site qui s'appelle Oxiaplanum. Donc ça a été par un processus de sélection comme MSL, avec au départ plusieurs dizaines de sites qui ont été proposés. On a fini avec 4 sites, avec la seule différence que je dirais dans les grandes lignes, c'est que 4 sites avaient un peu les mêmes caractéristiques, dans les grandes lignes, c'est-à-dire surtout des caractéristiques d'être, on va dire, des réservoirs potentiels d'anciens organiques dans des sédiments assez anciens. Donc d'ailleurs, il y avait dans les 4 finalistes, il y avait voilà, sédiments argileux. Il y avait Mars Vallis, qui lui aussi était un des finalistes de la sélection MSL. Donc lui, ça fait 2 fois qu'il échoue aux portes du sélection. Donc on verra peut-être pour Mars 2020 ou une autre mission. Pour ExoMars 2018, le site finalement retenu, ça a été proposé par des Français, hein, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, avec notamment une équipe de Lyon, en fait, qui a proposé, qui a fait valoir les qualités de ce site. Allez, une dernière question, mademoiselle. Bonsoir, oui. Au sujet de Mars 2020, c'est-à-dire InSight, est-ce que le type de sismique utilisé, ce sera plutôt de la réflexion sismique ou de la tomographie ? Alors, donc, Mars 2020 n'a rien à voir avec InSight, hein, on est d'accord. Mars 2020, c'est une mission américaine, grosse mission américaine avec un Curiosity 2. C'est un rover, oui. Un rover. Il n'y aura pas de SAM, hein, donc il n'est pas tout à fait pareil. Il va préparer le retour d'échantillons, il va collecter les échantillons, les mettre dans un conteneur, et tel le petit poussé, il va poser le conteneur sur le sol, et sa mission sera terminée. Et si la NASA le décide, si les scientifiques le recommandent, ce conteneur pourra être récupéré et être amené sur Terre dans une mission ultérieure. C'est ça la démarche de l'IMARS 2020. En ce qui concerne InSight, c'est un sismomètre, tout simplement. Unique, au sens où souvent pour faire la sismo il en faut 3 pour faire la triangulation. Là on va travailler avec un sismomètre, néanmoins c'est 3 sismomètres parce qu'on veut les 3 axes de le haut, le bas, la droite, la gauche, hein. On veut les 3 dimensions, donc on a 3 axes de pour les 3 sismomètres, et on va être un peu malin pour arriver à localiser les séismes avec un sismomètre unique. Il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées, et on va aussi s'intéresser aux petits ébranlements liés aux impacts de météorites, et on va solliciter IRIS pour essayer de déterminer où a eu lieu l'impact. Donc si on connaît la source, et bien ensuite on sait que l'impact a eu lieu à tel endroit, et on a un signal, et donc on peut interpréter mieux le signal avec ce genre de choses. Le but étant d'étudier la structure interne de Mars. Donc, épaisseur de la croûte, du manteau, est-ce que le noyau est liquide ou solide ? C'est la première fois qu'on va réellement sonder l'intérieur de Mars. Ça n'a jamais été fait, puisque les sismos de Vikings ont mesuré du vent, au sens propre du terme. Mesurer du vent. Je voulais vous rappeler que les Mardis d'espace sont organisés par le CNES, donc l'Agence française de l'espace, avec le soutien des Barres des sciences Paris, l'association Barres des sciences Paris. Également, qu'on a 2 rendez-vous prochainement. Au mois de mai, figurez-vous, vous allez avoir 2 Mardis d'espace pour le prix d'un seul. On se retrouve donc le 17 mai, ça c'était prévu de longue date, pour parler des lanceurs, lanceurs de points vers l'infini et l'au-delà. Évidemment, on va parler d'Ariane 6, on va parler des Falcon de SpaceX, de lanceurs réutilisables. Ça, vous pouvez compter sur nous. Donc, le 17 mai, lanceurs vers l'infini et l'au-delà. Et une semaine après, le 24 mai, on va parler d'exobiologie. Ça nous ramène au sujet d'aujourd'hui et donc de la vie ailleurs avec Michel Viseau et puis de jeunes chercheurs. Alors on a vu ce soir à quel point la science et la technique avançaient vite, avançaient bien. On a de l'eau liquide apparemment, même si elle est effectivement un peu sporadique. C'est quand même un résultat intéressant. On se pose des questions à propos de ce méthane. Est-ce qu'il ne proviendrait pas d'organismes vivants? On a ExoMars 2018, énorme ambition européenne. Là, on voudrait aller tout de suite, d'un seul coup, trouver la vie peut-être en allant chercher à 2 mètres de profondeur. Et puis Mars 2020 qui prépare des missions futures, du retour d'échantillons. Tout ça, vous me l'accorderez, est quand même assez excitant. L'aventure est belle, l'aventure continue. L'Europe, la France y joue un rôle important. Merci beaucoup, merci infiniment à Francis Rocard et Patrice Coll pour être venu nous en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt, au 17 mai, au 24 mai. Au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.